Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir, chers amis. Bienvenue à l'épisode 147 de chez Papa Cassette. Cassette! Nice. Cassette! Salut, JF! Hello! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Bon. J'espère que les gens dans la salle... first time to chat. Bonsoir, les boys. Bonsoir, gang. Gortax 1114 qui est là. First time chat. Ouais. Talbot Jeu est là. Hidalgo Kane. Puis Simon demain, est là. Puis l'autre, c'est du... Simon entre les deux. Entre les deux. Dont un qui est une pute, genre un bot qui veut nous vendre des cossins. Là. Des cossins. Fait que bienvenue tout le monde. Et puis j'espère que vous avez été présents pour écouter le nouveau bloc de pub à JF avec un excellent segment, encore une fois, des pierres à feu. Toujours. Où est-ce que Fred poivre Monsieur Miroc en utilisant Arthur. En fait, c'est très bon. Ça... T'es tellement gratine que Stéphane pogne le hockey, tu vas l'envoyer souffler des pneus. T'es tellement gratteux que tu regardes au-dessus de tes lunettes pour pas les user quand tu lis. Ah, là, je gratte beaucoup les bas-fonds des publicités rétro. Donc là, je suis dans des affaires psychédéliques de Sonic puis de Sega 32X. Là. C'est des, j'avais jamais vu avant. Là. Beaucoup d'attitudes de Sega ce soir. On a Gortax qui dit qu'habituellement, il est en différé. Talbot Jeu aussi. Bon, ben, bienvenue à bord, les beaux amis. Yes. Ça veut dire que vous écoutez pas présentement la game du Canadien. Ouais, écoutait nous autres. qu'on écoutait avant que le show commence, en fait. Oui. Petit but de Caulfield. On a vu Caulfield, le genou à terre, scoré à droite du filet ou à gauche, dépendamment de ce que tu te places. Là. Exact. Moi, j'ai écouté un peu le show. Et puis, il y avait Luc Picard. Ah ouais. Fait qu'il y avait Luc Picard. C'est comme, qu'est-ce qu'il fait là? On s'en calisse-tu? Au pre-show du Canadien? Oui, il était là, il était dans la foule. Là, tu sais, moi, le Canadien, c'est pour c'est comme vous, ça représente la fibre nationale. Exact. Puis là, après ça, il y a eu le démo, les ancêtres et les nouveaux, puis tout ça, avec Luc Picard qui fait une narration par-dessus. Mais moi, je me disais juste, pourquoi Luc Picard, c'est quoi le rapport? C'est encore Alice? C'est un orateur, je sais pas. Ben, voyons, n'importe qui, là, tu sais, prenez des jeunes. Luc Picard, man, on s'en sac, là. Il a rien fait depuis. Là, je parle au théâtre dernièrement, là. Mais... Ouais, je sais pas ce qu'il a fait à la TV non plus récemment, là, mais c'est Luc Picard, mais je sais pas. Là. Non, mais je dis pas que c'est un nobody et que c'est un cave. Là. C'est un grand. Il est important, ce gars-là, pour le Québec, puis il a fait de grandes choses. Mais il me semble que tu veux hopper ça. Là, mais il faisait un discours, c'est quoi? C'est... Ah oui, okay, c'était juste ça, man. Il y avait rien de spécial. C'était Luc Picard qui parle d'un petit 5 minutes dans les estrades à travers le monde. Ouais, après comme... ça, une projection de tout avec une narration. Comme quand c'est la Saint-Jean puis t'as un acteur qui vient lire le genre de message national un peu. Là. Genre-là. Là, okay. Ouais. Mais il y a eu le gros affaire à l'écran qui montrait Maurice Richard et tout le monde. Il y avait une narration de Luc Picard par dessus. Il rend du gros l'écran au Sandbell. Mais avant ça, il était dans les estrades. Pendant 3 minutes à dire « Salut, on aime ça le Canadien ». Ça avait juste pas rapport. Okay. En tout cas, prenez n'importe qui. Prenez des gens. Il est gros. T'es allé au Centre Bell. T'as vu le gros écran? J'étais allé deux fois au Centre Bell, dont une fois où j'étais assis derrière le banc du Canadien directement sur le coin. C'est débile. Tu vois pas un côté de la glace parce que t'es trop proche. Ouais. Ben, il y avait... Quand que Saint-Louis était là, je voyais par-dessus sa tête au moins. Parce qu'il est petit. On voyait, mais pour vrai, on voyait par-dessus sa tête à Saint-Louis. Là, mais ouais, j'ai vu Lainey se faire blesser. J'ai vu Rainbaker se faire blesser. J'ai vu Jack Hyde donner des coups de poing à la tête. C'était magnifique. Il crachait-tu beaucoup? Quand les même. Joueurs. Ça crache tout le temps. C'est comme des lamours, ça. Ça parle fort, ça crache. Payer des bières 16$. Puis, c'est ça. Ces bonnes vieilles Molson canadiennes à 16$. C'est un bon petit samedi. Puis ça, je suis retourné le mardi. Puis je suis retourné voir une autre game, voir se faire tuer contre Ottawa. Ouais. Et voilà. Ben, tu peux te le permettre, t'es un jeune millionnaire. C'est moi qui paye ces billets-là. IT informatique. Je me fais pas donner du tout par mon père. Oh! Gortax qui subscribe avec Prime. Merci beaucoup. Yes. Qui demande où est-ce que je prends les épisodes des Flintstones en français. En fait, c'est pas des épisodes complets, c'est des extraits que je prends sur YouTube présentement. Sinon, il y a des coffrets DVD qui existent des Flintstones en français, mais ils sont weird. Ils sont pas québécois. Ils sont québécois, mais des fois, tu prends un épisode en français de France. C'est comme, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah, fait qu'il y a peut-être plus les bandes originales québécoise. Là, mais... C'est ça. Parce que toute la... en vrai québécois, toutes les saisons, il y en a peu sur YouTube en plus. Ouais, ils sont difficiles à trouver. Il n'y a personne qui enregistrait ça. Là. Fait que là, faudrait que je sorte mes DVD puis que je les rip dans mon ordi puis que genre, j'utilise ça. Ouais. Si on veut avoir du grand gazou maintenant, ça faudrait que ouais, j'aille si là. Ouais, si on veut là, se rendre à gazou. Gazou. Puis à Hopi. Hopi? Hopi? Ben, c'est le Hoparou de Boom Boom. Ah oui, c'est vrai. Son animal de compagnie. C'est loin, ça. Hey, Hopi, man. Hopi pis gazou. Hopi pis gazou. Fait que sinon, en intro, je voulais juste dire... Ben, prends-tu une bière, toi, Gilles? Ah ouais. Hey, j'en prendrais une. Pendant que t'es parti, on a eu une visite tantôt à Saint... Ah, je vais prendre n'importe quoi de Lagerbrau. Et puis, on a eu la visite de quelqu'un que je connaissais pas. En fait, notre employé, Lisanne, nous a dit « Hey, il y a un petit tournage dehors, il y a un d'autre qui se filme, tu sais, dehors, là, devant la porte. » Là, tu dis « Ok, c'est un gars qui a une channel YouTube, là, puis là, il fait son topo dehors. » Bon. Puis là, je regarde un peu plus tard, comme il est rendu dans le magasin à se promener puis à filmer, là, je me dis « Chris, je vais descendre, je vais voir qu'est-ce qu'il dit, si ce gars-là dit de la merde, puis qu'est-ce qui se passe avec ça, là, tu sais. » Puis finalement, mes employés m'ont informé que c'était un YouTuber français très connu. OK. Tu connais-tu McFly et Carlito? Non, dis rien. Moi, je connais aucun YouTuber français. Ouais, non, j'écoute pas les YouTubers. J'écoute rien de ça. Mais le gars, il a 9 millions de followers de gens. Là. Okay, puis, c'est, nous autres, moi, j'en ai combien? 100? De followers sur YouTube, pas loin de 950, genre. Ah ouais, un petit 1000. Ouais, ah, c'est pas si ouais, 1000. Quand même. Mais lui, c'est 9 millions. Alors là, on est comme tabarnak. OK, là, c'est pas rien, ce gars-là. Là. C'est le marché français de France est gros. Hein. Ah, énorme, man. Énorme. Puis là, Joe, mon collègue, son fils, qui est en deuxième année, je pense. Il écoute ça à côté. Ah ouais, OK. Moi, je me suis renseigné, me suis enquéri auprès de mes enfants. Mon plus jeune, qui a 11 ans, il connaissait très bien ça, il l'écoute pas. Mon plus vieux, il l'écoute avec sa blonde qui a 16 ans, qui l'écoute. Okay. Puis comme tout le monde connaît ce dude-là, c'est Carlito seulement qui était ici, en fait, Grand Jack. Puis il tripe jeux vidéo. Fait que, man, on a passé full de temps avec lui, ils ont full tourné, on lui a donné un chandail. Puis on a oublié de prendre une photo, tabarnak. Ça s'appelle McFly, M-C-F-L-Y, bien sûr, et Carlito. Ah ben oui, ça sort direct. Hein. Ça sort direct. Ces gars-là, chaque épisode a des millions. Là. Ces gens-là ici, là? Ces gars-là. Fait que nous autres, on a eu le grand pas de cheveux là, qui était ici, là. Exact. Ah ben! Leur propre émission de stand-up. Okay, c'est comme des humoristes, ça, en plus. Et on l'a connu, là, oui. Là, je sais pas, mais ils ont déjà reçu Macron, là, tu sais, sur leur show. OK, quand même. C'est pas des tout nus. Puis alors... nous autres, on n'a jamais reçu Coderre. Non, ben bonne affaire. Alors quelles embûches ils nous auraient mis. On va demander à Valérie si elle veut venir. Ben oui, elle viendrait rire avec nous autres. Elle viendrait. Viens nous parler de Mario Bros. Fait que ce gars-là est venu tantôt, puis là, j'étais comme « Holy shit, OK, on a vraiment pogné de quoi, là, je savais pas. » Ça a vraiment fait comme un Lewis Hamilton, là, que zéro starstruck, zéro en connaissance de ce qui est en train de se passer. J'ai même pas pensé prendre une photo, c'est vrai, ça a pas d'allure. T'aurais eu plein de reach, t'aurais pu le taguer. Là. Exact. Mais au moins, ils vont faire un épisode qui est supposé sortir à la fin de novembre. Et puis, au moins, là, on va pouvoir se reprendre là-dessus. Parce que Hamilton, il est juste passé et il est parti. Ouais, ouais. S'il n'avait pas fait de reel, on n'aurait jamais pu publiciser cela. Fait que, voilà. Donc, je voulais juste dire ça. S'il y a des gens à la maison, avez des enfants, ou si vous écoutez McFly et Carlito, Carlito était là. Bon. Ouais. Belle affaire de fête, là. Yes. Fait que c'est tout, man. On n'a rien d'autre en intro, vraiment. Non, juste dire que la première soirée épisode, du podcast est revenue. Donc, exact. Semi-crew. Ben, semi-crew. Presque tout le monde était là. Il manquait Mart et mon frère n'était pas là. Fait qu'on était cinq à boire de la bière et des shooters à l'honneur de Johnny Gaudreau. Exact. Gaudreau. Gaudreau, ouais. Toujours de la bière. Je suis fatigué. Deux shooters, tout le monde pour. Ben, il y en a qui c'était un shooter et quart, là. Pis, ouais, c'était les conducteurs. On a eu deux séances de shooters. Monsieur Neveu était là dans le chat tout le long. Une couple de personnes qui sont venues jaser, c'est bien, là. Ah, c'est cool, on ça. C'est du fun. Fait que là, faut que je trouve du temps pour la ligne ouverte, là, ça va venir, là. Oui. Il faut qu'on garnisse ça, ces shows-là. Ah, écoute, c'est pas les idées qui manquent. Non, le temps. Pas les idées. C'est vraiment le temps, en effet. Mais quand tu vas être en burn-out, comme on disait tantôt... Ça sent bien, je vais avoir plein de temps ça pour sent faire bien. Mes projets, genre un petit burn-out, une couple de mois. Là. Hey, tu vas avoir le temps, mon gars. Là. T'as-tu des bonnes assurances? Oui, quand même. Bon, ben c'est parfait. Ça, tu iras en burn-out. Moi, je check ça. Moi, je me suis renseigné pour mes assurances, justement, mais mon assurance invalidité... Moi, j'étais couvert combien, là, je me rappelle plus. J'ai jamais fait augmenter ça. Je les ai depuis 10 ans. En fait, depuis fucking 16 ans. Depuis que j'étais à mon compte, et puis je les ai jamais augmentés. Tu sais, genre, je vais avoir 200$ par semaine. Là, je check ça. Finalement, mon montant n'est pas si pire. Là. Fait que je pense que je vais être correct. Mais oui, donc si jamais tu pars en burn-out puis que ça va bien, finalement. Mais ça, c'est mon calendrier, puis je te reviens. Là. C'est, excellent. Ça excellent. Dans le chat, on dit, by the way, très beau show, le Garden Party. Merci beaucoup. Puis j'adore mon Atari 2600+. Nice. Excellent. Bien content que tu l'adores. C'est un très bon achat pour les amateurs d'Atari 2600. Si jamais il y a du monde qui a du lousse un petit peu, qui veulent s'essayer sur cette machine-là, c'est la machine parfaite. Ouais. Ou la 7008, tu sais, tant qu'à y être. C'est ça, là. Ouais, j'ai mal prononcé tantôt. J'étais allé chez le dentiste cet après-midi puis j'ai comme la bouche weird en ce moment là. Ah ouais. Hein? J'ai pas été gelé mais j'avais des petits trous dans les dents, il m'a mis des plombages. Fait que quand je ferme ma bouche, tu sais, on dirait que j'ai comme de quoi dans la gueule. Là. Ah ben, j'ai pas trop marqué là pour être. Non, tu verras pas, il m'a pas rien mis, mais il m'a juste. Non, mais je veux dire ton parler. OK, mais c'est moi je me sens bizarre là, on dirait que ma bouche ferme pas. Ah là là. Ah, c'est ça. On croyait entendre du monde syndiqué. Oh, parle-moi pas ces syndicats. Ah non. Toi, t'en as pas. J'en ai pas. J'ai dealé avec les syndicats des hôpitaux pendant un bout, moi, quand j'étais housekeeping. Ouais. C'est ça. Fait que tu pelletais de la marde d'un ventilateur. Ouais, ouais. Chris. Mais j'ai fait faire un grief parce que j'ai débouché une toilette. J'étais comme, ben là, ça va faire. Là, c'était pas dans ta liste de tâches? Non, j'étais housekeeping. J'ai pas le droit de déboucher la toilette. Ah, c'est le gars de la maintenance qu'il faut qu'il fasse ça. Je suis comme, fuck you. Mais tu vois-tu ça? C'est, ouais, mais c'est là que j'ai fait comme, vous allez aller chier, là. C'est du niaisage, là. Mais c'est ça. Moi, c'est ça qui m'horripile là-dedans. C'est ça. Les... Autant ça sert à protéger les bons intérêts, mais autant il y a du débordement comme ça. Là. Exactement. C'est mais c'est... si tu t'étais blessé, JF, en débouchant la toilette, j'ai-tu la marde syndicale? Fait que ça te prend les metteurs de cônes puis les enleveurs de cônes, tu sais. Ouais. Tu peux pas comme... Mais si le pain là-dedans, en plus, c'est que c'était le siphon, genre le débouche-toilette du housekeeping. Quand je suis revenu le lendemain, il l'avait enlevé. Ah ouais, pour s'assurer. J'étais comme, waouh, je vais aller en acheter un, sti, là. Voyons donc. Là. Parce que vaut mieux que la toilette déborde puis qu'il y ait la marde partout à terre puis qu'on paye un gars à faire ça au lieu qu'il fasse autre chose de productif. C'est bien mieux que l'urgence soit pleine la fin de semaine puis qu'il y ait juste deux toilettes, dont une de boucher, que de le faire moi-même 15 secondes. T'sais. Exact, exact. J'étais comme, en tout cas. C'est ça, des petits ulcères qui dans l'estomac avec ça. Là. Ah non, Simon dans le chat qui dit que malheureusement, vu qu'il travaille pas aux éditions de l'Homme, il peut plus nous envoyer de livres parce qu'il y en avait au moins 20 sur le burn-out. Crime à avoir su. Ah, c'est-tu... T'as pas un contact? Ah, man. Ben, peut-être, hein, Simon, te restes-tu, te restes-tu une main dans la place? Oh là là. Ben, écoute, si on a déjà... On va finir l'intro de Rhett là, ben parce oui, qu'on a bien des questions. J'ai rien à dire parce que j'ai rien fait. Exact. Puis on a des critiques à part de ça. Ben oui. Mais avant tout, on va y aller en collection. Allons c'est bien ça. Collection. Ça va être très court ça aussi, mes beaux amis, parce que j'ai seulement deux jeux Switch que j'ajoute à ma collection cette semaine. D'ailleurs, JF, si jamais t'achètes des jeux physiques, t'es libre de les amener. Hein, hey, c'est bien trop vrai. J'en ai acheté un cette semaine. Ah ouais, hein? Okay. NHL 25. Ah ouais, t'as acheté ça physique comme ouais, un comme un câble. Genre, je l'avais précommandé, je l'ai reçu deux jours plus tard, puis j'ai pas joué encore finalement. Là. Ah ben écoute. Parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'on verra tantôt en critique qu'est-ce qui se passe. Excellent. Mais j'avoue que tu peux les amener. Ben oui, quand ça arrive, t'apportes pas le temps, mais je l'achète beaucoup en digital, par exemple, sur Steam, que je joue pas, là, mais que j'achète. Exact. Mais c'est ça, apporte-les quand ça arrive. Ben oui. Sinon, moi ici, je vous présente bien sûr The Legend of Zelda Echoes of Wisdom que tout le monde a acheté, 80$ au retail. C'est le prix retail qu'il y a partout, dont chez Retro Montréal, et on en a plein de copies encore. Puis on était un petit peu nerveux à savoir, Chris, ça va-tu lever, ça va pas lever, ça va ressembler à quoi les ventes de tout ça. On a eu des précommandes correctes. Puis là, le monde, à la fin, ça se déniaisait, ça précommandait, puis on a commandé, puis on a recommandé. Et puis, ça a été des très bonnes ventes et on en vend encore à tous les jours, ou presque. Fait que, comme Tony Biz dit dans le chat, « Echoes of lit superposé », c'est vrai. Tu utilises beaucoup le lit pour faire pour monter là, sur des plateformes. Non, tu sais c'est quoi, ça marche ça, en gros? Non, j'ai pas vu vraiment. OK, ça, ben tu utilises ta staff là, ici pour copier des éléments. Un lit, une pomme, un monstre, puis tout ça. Puis avec ta staff, tu peux t'es recréé. Fait que, mettons, tu veux monter sur une plateforme plus haute, t'empiles trois lits d'épais, puis tu montes, là, mettons. Okay. En gros, c'est ça. Puis, j'ai commencé. J'ai fini Yars Rising avant que je voulais finir, et je vais en parler en critique tantôt. J'ai commencé ces Zelda, puis je peux pas dire que je suis totalement emballé encore. Là, tu vas faire la critique? Oui, je vais la faire. Après ton tout le monde. Ben ouais, c'est pas grave, ça. Mais d'ici deux semaines, là, si je me tanne pas, puis que je bombe pas sur un autre jeu, ça devrait être fini. Alors, j'en ferai la critique, mais pour l'instant, je capote pas ma vie, mais c'est très joli, très bien fait. Deuxième jeu de Switch, encore une fois, Pepper Grinder. Oh, Devolver. Bruno en avait... Ouais. Il l'avait-tu critiqué? Il l'avait critiqué, il me semble. Ah, OK, hein, c'est ça. On avait parlé à Retro Nouveau, donc c'est sorti en physique finalement pour 40 tomates chez Retro MTL. Vous pouvez acquérir ce magnifique jeu publié par Devolver qui semble mélanger Drill Dozer et, au Game Boy Advance, pour ceux qui s'en souviennent, fucking Metroidvania, là, je sais pas. Là. Fait que c'est un jeu indépendant, super badass. Dig, explore, grind. Oui, il y a creusage, du digging. Ouais, y a du, oui, mais c'est ça. C'est ça. Il y a du creusage, Metroidvania, puis il y a une soundtrack hyper drum and bass, badass, là, qui sonne old school. Là. C'est très, très hot. Allez écouter la soundtrack là, demain matin avec votre café. Là, le petit drum and bass va vous rentrer direct dans les feels. Fait que moi, j'ai full envie de jouer à ça. C'est hot, ouais. Puis j'ai quatre autres jeux que j'ai achetés, que j'ai présentés dans des épisodes précédents. Mais là, comme faut, ma mission, c'est Zelda. Ça, ouais. Fait que ça va sûrement venir après. Et puis, Domingue dans le chat qui dit, parlant de collection, je viens tout juste d'acheter R-Type sur TurboGrafx-16. Tout un classique. Oui, et GameSack se prononce à dire que la version TurboGrafx-16 est sa préférée. Parce qu'il y a eu beaucoup de versions de R-Type. Et puis, voilà, ça, c'en est une très bonne à ce qui paraît. Alors, bravo, bel achat. Et puis, Félix dans le chat qui dit, ça a bien l'air bon, ça. Oui, allez regarder des trailers. Ça a l'air très bon, en effet. Ben oui. Yep. Fait que c'est terminé pour la collection, et déjà. Voilà, hey, c'est expéditif ce soir. Oui, monsieur. Bon, GF, je te laisse commencer en critique, tiens. Ouais, en fait, avant d'aller en critique, je vais faire un petit shout-out parce que là, dans le fond, on a parlé d'un auditeur qui nous avait envoyé un code pour un jeu indépendant qu'il avait fait dans son seul tout seul et qui s'appelle Mass Arcade. J'aurais ça demandé d'avoir le nom du fan. J'ai oublié, on a encore oublié de le nommer, mais il va se reconnaître. J'ai joué un petit peu, je vais vous faire un petit shout-out comme ça. Je vais vous faire une petite pub là, comme ça. Donc, Mass Arcade sur Steam, un jeu PC, dans lequel on joue une petite souris dans une arcade et puis on doit monter sur différentes machines d'arcade et aller jouer à cette battle high score de petits jeux d'arcade en fait. Donc c'est comme, il s'est fait un genre de labo, j'ai l'impression, pour essayer de coder des types de jeux différents là. Fait que t'as comme, t'as un shmup comme ça, t'as un jeu de pinball, t'as un genre de shooter, t'as un genre de tower defense, t'as un side-scroller à un moment donné, donc c'est bien intéressant là, c'est un beau petit jeu indépendant comme ça. Ça s'appelle Mouse Arcade et c'est sur Steam pour 2,50 canadiens. c'est donné, allez l'essayer. Mais allez l'encourager, là, c'est le fun, des trucs indépendants comme ça, là, ça peut amener place à d'autres choses de très bien. Je ferai pas de critique parce que j'ai pas le temps de mettre beaucoup de temps sur toutes les minigames encore, puis j'aurais probablement pas le temps d'en faire la critique, il y a tellement de choses, là, mais allez voir ça pour vrai, Mouse Arcade sur Steam. Et on remercie la personne qui a commenté, je cherche, il a commenté une publication. Il a commenté sur l'autre épisode sur YouTube, me semble. Ah, il a commenté sur YouTube. Il avait dit qu'il était content de s'être entendu son jeu. OK. On te salue. Ouais, mais je cherche le post là, pour trouver ben son nom. C'était sur Arcane Montréal, je pense. Ben, oui, en messagerie d'Arcane Montréal. De là, le fait que c'est loin à retrouver. C'est pour ça que je t'avais dit à mon gérant de te dire de m'écrire sur Papa Cassette. Là. Il avait écrit sur un post de Papa Cassette. Ah, c'est Francis Lorrain. Ah, ben alors, c'est Frank Games au début. Frank Games. Fait que c'est ça. Fait que c'est son, voilà, son mini voilà. Studio personnel. Alors, bravo, beau travail. Excellent, merci beaucoup. On salue les gens qui travaillent fort. Fait que là, Dom, aujourd'hui, on a parlé de le retour de la soirée du podcast. On a parlé de Luc Picard. Puis de la sortie de NHL 25. Fait que, tu sais, c'est le fun, le hockey recommence. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te parler de NHL Stanley Cup. Oh! C'est-tu malade, ça? L'infâme NHL Stanley Cup. Au Super Nintendo, développé par Sculptured Software et publié par Nintendo eux-mêmes. C'est drôle comment j'avais jamais pris le temps de voir qui avait développé ça. Moi non plus. Mais oui, puis c'est published par Nintendo, puis c'est sûrement pour ça qu'on se l'est fait rentrer dans la gorge à TV, sans arrêt, dans les Nintendo Power. Ouais. Il y en a partout, partout, partout. Quand Nintendo publish de quoi, il en beurre épaisse. Hey, j'avais la pub, puis j'ai oublié de la mettre dans le bloc de pub d'intro. En plus, je t'avais dit que je la mettrais, puis je l'ai oublié. Je l'avais téléchargé. Maudite affaire. mais ouais, c'est parce que j'ai pas eu le temps de jouer encore assez à NHL 25 pour en parler, fait que je vais critiquer ça, là. Fait que, je sais pas toi, Dom, dans ton imaginaire là, de tout ce qui s'est passé dans le rétro dans les 30 dernières années, la place que ça occupe, ce jeu-là, pour toi? Là. Ben, tu sais, moi, en plus, je suis un commerçant de jeux vidéo, hein, usager. Alors, la place que ça occupe, ça, c'est beaucoup dans le backstore au niveau de la quantité. Il y en a une puis une autre, une bonne palette. Là. Ah, c'est 5 piastres, là. Disponible chez Retro MTL, mesdames et messieurs. Sinon, mon souvenir de ça, moi, mon vrai, c'est qu'on l'avait loué à l'époque, puis on avait joué, genre, même pas une game, on s'est dit, c'est donc bien dégueulasse, je comprends rien. Ah ouais, vous avez abandonné rapidement. Puis on a abandonné hyper rapidement. Fait c'est tout. Puis je me souviens aussi d'un grand silence. Parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas de musique pendant que tu joues. Il y a des, rien. Genre des fois, il y a des petits bouts d'orgue, là, un peu. Pendant, mais pas tellement. Mais je me souviens juste d'un grand silence puis des bruits de clac, clac, clac, clac. Ouais. C'est tout, là, tu sais. Mais tu sais, OK, pour commencer, ce jeu-là a été sorti pour la saison de 92-93. Donc, dans le temps qu'il y avait encore les Whalers de Hartford, il y avait les North Stars de Dallas et l'équipe d'expansion était. Le Lightning! Même temps qu'Ottawa ou juste Lightning? Ottawa était là aussi, c'est vrai. Ottawa, il y en a deux qui sont arrivés en même temps. Ottawa et Lightning, me semble. Ouais. Il me semble que je me rappelle les avoir vus quand je jouais. Attends, mais ça, c'est sorti après que le Canadien ait gagné la Coupe. C'est avant, ce qui est quand même bizarre parce que. Puis ils ont mis Casso et Gretzky. Ben oui, ben en fait, ça doit être après, je peux pas croire. Là. Mais Chris, ça se peut pas. Ouais, 93, ça doit être sorti tout de suite après que la Coupe s'est gagnée en 93. Ouais, probablement. Ouais. En fait, non, ça, c'est les équipes de 92-93, mais oui, c'est sorti en 93. Le North Star du Minnesota. C'est sûr qu'il est là. Donc là-dedans, il n'y a pas. Il n'y aura pas les Trashers, par contre, c'est plus vieux que ça. Puis ce qui est quand même très drôle, c'est que NHL ont donné l'accès au logo des teams, c'est tout. Ah ouais, hein? Pas de joueurs, donc, pas rien? Non, les joueurs, t'as pas les noms. OK. Mais quand c'est la. Là, on les voit les équipes. On voit les équipes. Ah, les Nordiques étaient là, effectivement. Là. Là, fait que, au moins, ça, c'est cool pour ça. Là. Fait que t'as les deux logos des équipes dans le haut de l'écran. C'est la seule place que tu vas voir les logos d'équipe dans ce jeu-là. Ou quand tu choisis ton équipe, évidemment. Là. Ouais. Mais oui, les joueurs n'ont pas le logo, n'ont pas de numéro dans le dos. Ben mais non. Mais quand c'est l'entrée. Ils sont tous exactement identiques. Ils sont tous identiques. Tout le monde est pareil. Ça te marque en haut, genre le centre, qui est right wing, left wing. Mais il y a des numéros, ouais. Comme là, c'est Yzerman, le centre numéro 19. Où tu vois ça? En haut à droite. Ah, OK, ouais. Ben, c'est la seule place que tu les vois, c'est vraiment en haut, en dessous, quand tu as la puck, tu sais. Ouais, quand tu as la puck, tu n'as pas le temps de checker ça. Ben, c'est pour les spectateurs. Puis quand tu arrives dans l'entracte, genre, en tes périodes, ben là, tu as un présentateur qui est comme, hop, il te parle, puis là, il te montre les stats. Mais c'est un tableau de stats, puis c'est juste les chiffres des joueurs, puis leurs stats. Pas les noms, pas rien. Fait que t'es comme. Chris, j'ai pas vu les numéros pendant que je jouais. Faut que tu connaisses. Ça sert à rien. C'est qui le 26 des Red Wings, donc? C'est qui le 26 des Red Wings qui a 3 shots au net, là, dans ça? Ottawa, Tampa Bay et San Jose, qu'on nous dit dans le chat. Mais San Jose était tout seul une année. Puis après, Tampa et Ottawa sont arrivés. Accepté, non, la Floride et Ottawa sont arrivés en même temps. C'est tout ça. Ou quelque chose de même. Je sais qu'il y en a eu deux pendant une année. Là. Et le gameplay est propre. Ouais. C'est gameplay analog pocket, ça. Non, mais je suis d'accord avec Domingue dans le chat. C'est vrai que visuellement, c'est pas dégueulasse mais non plus. Mais c'est ça, parce que tu sais, ça faisait changement des jeux qui d'hockey d'habitude qu'on avait, qui étaient vus de haut vraiment plus, ou en vue isométrique. Là, ils ont essayé de nous donner quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit présentement comme type de gameplay, tu sais. C'est vrai. Et c'était l'époque où il y a eu aussi l'informe Mod 7. Qu'est-ce qui se passe? La caméra, elle a bougé? Notre caméra? Ouais, ici. Ah, dans le sens qu'on n'est pas centré. Attends un peu. Bon, Blastman dans le chat, il a raison. Là. Ottawa, Tampa, en même temps, San Jose l'année d'avant. Puis la Floride par après, seule, il me semble. Ah, oh, c'est pas grave. Sinon, moi, l'enlever un autre fois, c'est pas grave. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc, je suis mieux que je disais. Ah, le Mode 7. Donc. Mais c'est pas un infâme, Mode 7. Mais en fait, ça dépend comment il s'est utilisé. Ça dépend de l'utilisation. Dans ce cas-ci, c'est de l'abus. C'est carrément de la vie. Parce que ce qu'ils ont voulu faire, eux autres, c'est en fait le mode 7, pour expliquer, c'est comme la perspective 3D qu'ils ont pu faire dans la Super Nintendo. Oui. Puis là-dedans, ils s'en sont servis que, OK, ben à chaque fois que tu as la puck, la caméra va aller derrière toi. Ce qui fait que dès que tu pognes la puck, genre la caméra a fait un 180, mais la puck change tellement souvent de joueur que ça fait juste tourner sans arrêt. Fait que c'est impossible à contrôler. C'est vraiment difficile. C'est ça passe le temps à changer de perspective. Ah ouais, c'est la caméra, elle se met tout le temps en arrière de la rondelle. Tout le temps. Fait que si tu te dompes, la caméra, elle s'en va se crisser là. Oui, fait que la patinoire, elle rotate sans arrêt. Fait que t'es tout le temps comme à l'attaque, dans le fond, tu sais. Mais même quand t'es en défense, c'est l'autre qui est à l'attaque. Mais ça fait que ça vient compliqué à gérer mentalement comment tu joues avec tes contrôles, là. C'est ça. Bon, aussi, l'affaire, c'est que c'est excessivement difficile de scorer dans ce jeu-là. Il y a deux beaux glitches facile au bout. Tu te mets sa ligne bleue, tu lobes, tu scores à chaque fois. Fait que quand j'étais jeune, je l'avais loué moi aussi avec GF Madden. On voit ici maintenant l'intermission. Là. On va voir les beaux chiffres. Je sais pas qui était le présentateur. Là. On dirait le. Vas-y, check ça, là, comme. Ouais, faut que tu connaisses tes joueurs, là. Mais ouais, moi j'avais loué vraiment souvent, puis au début on jouait, puis ça finissait 0-0, 1-0 tout le temps. Puis après avoir joué, ça finissait 38-37. Genre tout le temps, on faisait juste des lobes, des buts. Bon, tu peux aussi domper la puck en arrière du net, le goaler sort tout le temps du net de façon automatique. Fait que là, si t'es un joueur qui est prêt, ben, tu relances en avant, puis tu scores, là. Mais. Y a-tu des hors-jeux? Il y a des hors-jeux, il y a des pénalités, il y a pas de bagarre là-dedans, il y a rien d'autre, là. Fait que c'est très très bare bones, là. Il y a des vrais offside là, comme qui ont un rapport, là, des icing, tout ça. Là. Ouais, tu peux ne garder que les offside, tu peux mettre plus de règlements, là, tu peux faire ça. Ouais. Bon, trois modes de difficulté, il y a trois modes de jeu, donc une partie normale, tu peux faire une saison, bizarrement, là, tu peux faire une saison complète là-dedans, et tu peux faire un 4-7. Pas pire. Puis quand tu finis une game, mettons, en exhibition, ben la game finit, puis ça te donne le score, puis ça revient à l'ouverture du début, là, quand tu vois le goaler du Canadien, puis... Il y a ce qui s'apparente à un joueur des Pingouins, je pense, c'est jaune. Tout ça est très vide, tu sais. Pis ouais, c'est ça. Les seules autres animations qu'il va y avoir, à part ce qu'on a vu là, c'est quand la game finit, t'as le joueur qui passe, genre, sur le bord de la baie vitrée avec les bras dans les airs. Ouais. Si tu gagnes la coupe, il y a la coupe dans les bras. Ça, je l'ai déjà vu. J'ai déjà gagné la coupe à ce jeu-là. Ah ouais, Chris, man. Quand j'étais jeune, j'avais grindé. T'avais grindé ta vie, là. Ah ouais, j'avais gagné la coupe. Puis c'est les seules animations qu'il y a là. Mais quand tu scores, il y a une animation du goaler qui swing la puck. Là, oui. Qui est aussi l'animation d'ouverture. Là, fait que, genre, il recycle l'animation. Ah, pis j'ai tout le temps trouvé ça laid, moi, cette animation-là. Je trouvais que ça. Il était mal positionné, là. Ça faisait bizarre. Mais je trouve ça aussi très weird que tu sais la game se joue à la moitié de l'écran, puis tout le reste du haut est perdu par les logos, puis le Il y a beaucoup d'espace mort. C'est un drôle de choix artistique d'avoir fait ça. Mais je comprends. Mais vu que la glace est pas faite sur le haut comme les NHL traditionnels, ça te laisse tout le reste, man. Ouais, tu vois qu'il n'y a pas de monde non plus proche. C'est des glaces européennes, il n'y a pas de foule proche. Là. Tout le monde est dans les estrades en haut, là. Très ouais, haut. Au moins il y a ça. Puis le tableau indicateur, il est giga, là, tu sais. Puis au centre, entre les deux NHL, il n'y a rien. Tu sais, c'est un railing de métal. Ouais, il n'y a rien en des NHL, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que bref, c'est un jeu qui est très, très vide. Mais est-ce que tu joues le positionnement, tu sais? Est-ce que quand tu... Tu peux jouer tout le monde. Tu as un bouton pour changer de joueur, là. Fait que tu peux jouer qui tu veux. Ouais, c'est ça. Tu sais, les contrôles, c'est slap shot, tu sais, du poignet, puis lob. C'est à peu près ça, là. Ouais. Puis sinon, crush check dans le dos, poke, puis coup de bassin, là, hip check, là. Ok. Ça se résume. Ça se fait à la pression d'un bouton. Là. Ouais, ce n'est que des boutons. Là. Fait que c'est 3-4 boutons. Là. Ouais. Puis tu peux-tu changer tes lignes? Mettons, tu peux start, tu dis le 37. J'ai pas vu de ligne changer. Pourtant, tu avais l'alignement complet tantôt. Fait que peut-être que les lignes changent automatiquement. On le sait pas. Là. Mais non, il y a pas de ligne qui change là-dedans. C'est très, très, très de base. En fait, c'est tout le temps le même line-up sur la glace, peut-être. Probablement. Ah ben, je sais pas, hein, parce que plein de chiffres... En fait, le problème, si avancé, il doit avoir les changements de ligne, je peux pas croire. Mais c'est quoi l'animation du changement de ligne, tu sais? Ouais. Puis entre les périodes, vu que toutes les stats de beaucoup de monde, plus que 5... Mais ouais, c'est ça, mais c'est tout le temps en haut qu'il y a des stats. On dirait O.J. Simpson, ou Mohamed Ali, quand on disait dans le chat. C'est vrai. Ah, si, j'ai pas eu le temps de voir. Stats des Maple Leafs, la période 2, tous ces joueurs-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ils sont automatiques, tu vas pouvoir les mettre manuels. Je me suis pas rendu jusque-là, honnêtement, dans le test. Là. Mm-hmm. Mais bref, voilà, c'est NHL Stanley Cup. C'est pas meilleur que c'était dans le temps. Pourtant, j'étais un petit peu accroché quand je jouais. T'as dit que t'as aimé ça. J'ai réussi à scorer comme du monde avec des vrais buts, pas des lobes. J'ai gagné 3-1. T'sais. Ouais. J'ai joué 3-4 games, puis après ça, j'ai fait « Hey, dans Pocket, NHL 94, c'est beaucoup mieux. » Puis là, j'ai joué ça et j'ai eu plein de plaisir. Ah, ben, cool. Mais bref, je vais donner pour... J'ai hâte de voir les pommes, en effet. NHL Stanley Cup, 2 pommes et demie. Oh shit, je m'attendais à un là. Ah ouais, c'est parce que j'ai eu du plaisir quand même. C'est pas si fait, mais ça passe pas quand même. C'est en bas de la note de passage. Dirais-tu que c'est un jeu qui subit sa réputation? Puis non, c'est non, meilleur c'est, qu'on dit. C'est un jeu qui mérite sa réputation, effectivement. Ouais. Mais c'est pas meilleur, c'est vraiment de la merde. C'est pas brisé, mais c'est comme semi-injouable à cause des rotations de caméra. Ouais, ça vient que c'est assez désagréable, puis c'est dur à comprendre. Là. Des fois, il y a des escarmouches, là. Tout le monde est un par-dessus l'autre, puis t'es pas l'air de pogner à la poque, tu sais pas ce qui se passe. Le ref, il siffle pas. C'est un beau premier essai. J'aurais aimé ça qu'il continue dans cette lignée-là. On aurait peut-être pu avoir des meilleurs jeux au Spinus de hockey de ce genre-là. Ouais. Mais ils ont arrêté ça direct, je pense. Je sais pas si ça, la réception était pas très bonne à l'époque, là, de ce que j'ai lu. Là. Non, ça doit avoir été... Ça doit être un flop, ça, là. Ben oui. Puis je serais curieux de voir ce que Sculpture Games ont fait d'autre. Je sais pas, hein, faudrait aller voir. Hein. Tu pourrais regarder ça peut-être ou tantôt, là. Le monde dans le chat pourrait nous dire ça. Ah, y a Roger là, Clemens, baseball. OK. Ah, ils ont pas quand même des affaires. OK, beaucoup de sports. Là, je vois NCAA basketball. C'est vrai que ce jeu-là, il ressemble énormément à NHL Stanley Cup. Oh my God, ils ont fait Eliminator Boat Duel sur NES. Aïe, aïe. Et un jeu d'Atari, 7800. Ils ont fait... Fatal Run, en effet. Un jeu que et je pense qu'Atari vient de refaire. Ils en ont refait un vieux de 7008 de même, qui est également au 2006, en fait. Fait que, ah ouais. Robin Hood au NES aussi, pour que ça intéresse. Virtual Bart. Aïe, pas des succès, hein? Non, hein? Vraiment Monopoly. Pas... Ouais. Ils ont fait beaucoup de choses, mais calice, c'était pas des succès. Ouais. OK. Mais ben, c'est une curiosité, mais ce n'est pas un achat. Mais à 5$, vous seriez fou de vous en passer. Ben oui, absolument. Dans votre collection, ça doit être beau. Là. Ben oui. Puis chez Retro MTL, c'est 3-2 pour les jeux à 10$ et moins. Fait que c'est 3 Stanley Cup pour 2 autres jeux. Ben, à chaque fois que tu achètes 2 jeux, on te donne 3 Stanley Cup. À chaque fois que tu achètes 2 Stanley Cup, ouais. T'en donnes un troisième. En fait, achète-toi 2 bons jeux à 10$, ça existe, puis on te file le Stanley Cup. Si tu gagnes la gomme pour le jeu gratuit, on te donne un Stanley Cup. On peut même t'en donner 5 parce que c'est 25$. Non, plus le jeu de 25$, juste en débarrasser du stock. Oh boy. Bon, ben moi, de mon côté, je vais couvrir le jeu qui s'appelle Yars Rising, oh yes. Que j'ai présenté lors de la collection d'un épisode précédent. Et puis, c'est développé par l'excellent studio WayForward. Oui. Et c'est publié par Atari et c'est disponible sur tout. Fucking tout. Tout, man. Yars Rising. Donc, Yars, c'est en référence à Yars Revenge, ouais. Le jeu classique d'Atari 2600. Et puis, dans le fond, là, Yars Revenge, il y a une histoire derrière ça. Les Yars, c'est les bébites comme il y a sur le cover. Et puis, le Quartile... On voit là les gens de grosses... Exact. Ça, c'est un Yars, okay. un vrai. Puis toi, t'es comme un peu... T'as du Yars en toi. OK. On dira ça de même. Et puis, mais les Yars, c'est ça. Faut qu'ils se défendent contre le Quartile. Et puis, là, je te raconte le lore du Atari. Puis le Quartile, c'est un gros canon là, qui te rentre dedans. Là, fait que toi, t'as une espèce de canon. Si les Yars, il y a un canon. J'ai oublié le nom. Et puis, c'est le même que tu pètes à l'Atari, l'autre affaire. OK. Fait que là, dans ce jeu-là, t'incarnes une fille, dont j'ai oublié le nom, qui travaille dans un, comme toi, GF, là, dans une grosse business d'ordinateur à plusieurs étages, chez Quotech, en référence à Quartile, tu sais. Ah, ben oui. Puis toi, ton surnom, toi, tu fais de l'informatique, là, puis tout, mais en même temps, tu vas aller hacker le système parce que tu trouves ça weird. T'as des amis avec toi qui sont mandatés de hacker le système, tu sais. Il y a quelqu'un qui paye pour ça. Okay. Et puis ton surnom de hacker, c'est Yar, justement. Fait que tu pars là-dedans, tu marches et puis t'as rien. Au début, tu fais juste sauter, te pencher puis ramper. Et puis, c'est là que ça devient Metroidvania-esque où est-ce que tu débloques des skills. Donc, le wall jump. Ben, le premier skill, c'est de tirer. Ouais, donc, ouais. Avec tes mains, tu tires comme si t'avais un gun. Après ça, tu fais une espèce de... Avec tes mains, je sais pas comment dire, un grugeage. Là, un genre de champ magnétique qui sort okay. de tes mains. Puis là, ça gruge certaines portes qui t'empêchent de passer. Et puis, t'as un wall jump. Et puis, t'as un genre de fly. Là. Tu voles directement par en haut. T'as un dash. Et puis, t'as des upgrades et tout ça. Fait que cet aspect-là est Metroidvania-esque. Et puis là, où est-ce que ça rejoint beaucoup Yars Revenge, bien sûr, c'est qu'en tant que hacker, tu vas trouver des terminaux un peu partout que tu devras hacker pour ouvrir des portes, pour affronter des boss ou pour gagner des pouvoirs. Et puis, pour le hacking de ça se fait en jouant à Yars Revenge. Quand même. Le vrai old school Atari Yars Revenge, là, tu sais. Fait que au début, ils te font jouer à Yars Revenge, bien normal. Et puis, puis là, tu vois ici, ça, c'est comme c'est un mix avec Missile Command. Tu vois les missiles qui se font lancer puis qui explosent. Fait que ça, c'est une alternative. Des fois, ils mélangent Centipede. Ils mélangent des franchises Atari là-dedans un peu. Alors, puis ils twistent tout ça. Ils twistent vraiment énormément le jeu original de Yars Revenge avec du lore d'Atari, mais aussi avec des ingéniosités qu'ils ont injectées là-dedans. Fait que c'est vraiment cool. T'sais, on va en avoir deux autres, là. Fait que là, il faut qu'il aille ramasser une petite dot. Puis là, bon, là, tu sais, ton affaire. Celui-là, il somme toute très simple. Donc voilà. Fait que vous allez jouer beaucoup à Yars Revenge, l'original, mais sous plusieurs formes. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Puis c'est tous les mêmes sons que l'original. Okay. Le petit grugeage de mur, ça fait drit, drit, c'est pareil. Chaque fois que tu tires des balles, quand tu pètes c'est le quarter, ça fait le la fameuse explosion à l'Atari 2600. Le petit faisceau là, protecteur, shield en arrière, quand tu passes là-dedans, c'est exactement les mêmes sons. Okay. Puis pour ça, c'est fucking nice. Là, fait que ça, c'est cool. Gortax dans le chat, il demande y a-t-il de la bonne musique comme tous les jeux de Way Forward. Il y a la musique très style K-pop, je dirais, là-dedans. Ah ouais. Et puis, t'as Megan McDuffie qui fait une coupe de track. Megan McDuffie a travaillé avec Way Forward pour River City Girls 1 et 2. Et puis, Double Dragon, il me semble. Et puis, voilà. Je suis pas sûr pour Double Dragon, mais Megan McDuffie travaille beaucoup avec Way Forward. Fait qu'elle a des tracks là-dedans, on la reconnaît tout de suite. C'est vraiment très, très bon. Huh. Fait que la musique est cool pour ça. Parfois répétitive. Et puis le look de ça est très nippon aussi, je sais pas comment le dire là, K-pop, pop japonaise là, tu sais, c'est pas japonais à côté, mais tu sens le fond là, tu sais. Puis c'est appréciable, j'aime bien ça. Et puis Il Mr. Rat Super dans le chat qui dit « Salut les gars, c'est ma première fois en live, mais je suis un fidèle sur Spotify. Je pose d'ailleurs toujours ma question. Bonne soirée, go CH go. Hey, ah, salut. Salut, salut. Bienvenue à bord. Ben oui. Et puis, donc, oui, comme je disais, tu peux gagner des power-ups là-dedans, des améliorations de tes armes, en fait, et de ton Yar quand tu joues à Yar's Revenge, quand tu te dois de hacker. Donc, et pour ces améliorations-là viennent sous forme de cubes que tu insères dans un sprite de Yar géant, tu sais. Okay. Comme quand tu passes start, t'as un Yar, là, comme celui d'Atari, là, fait qu'il est tout fait en pixels, donc en gros carré. Puis toi, t'as des blocs. T'as les améliorations, c'est des blocs. Des fois, il y en a deux de collés ensemble. Des fois, ça fait un L. Okay. Ça fait comme un Tetris. Fait que là, tu remplis ton Yar avec ces blocs tétrissés là, okay, tu sais. Ah ouais. Puis quand ça rentre plus, ça rentre plus. Fait que des fois, faut que t'en enlèves un, tu le replaces un autre, t'es capable d'en mettre un de plus. Fait que c'est comme quasiment un petit puzzle, rien que pour ça. Ouais. Mais c'est pas inintéressant. Là, j'ai trouvé ça cool. Ça vient de chiant ou c'est... Non. Mais au début, t'es comme, bon, parfait, je suis full équipe. Puis Chris, t'en as beaucoup des améliorations là, à la fin. Mais tu peux les changer dépendamment de tes besoins. Comme quand c'est rendu d'affronter un boss, ben là, j'enlève toutes mes améliorations de hacking parce que je suis pas en train de hacker. Puis je booste toutes mes attaques, toute ma life, tous mes missiles, tu sais. Puis quand j'ai un trouble à hacker, ben là, j'équipe toutes mes améliorations de Yark. Mettons, tu tires 3 balles au lieu d'une. Ou est-ce que ton canon, il tire fucking plus vite? Ou est-ce que t'es invincible quand tu fais du surplace? Okay. Toutes ces affaires-là. Fait que ça, c'est bien intéressant. On salue 007JF dans le chat qui nous a donné 200 diamants, quoi? Ouais, la fois que je comprends jamais ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe, mais ça semble être un don. Tu vas recevoir un gros chèque à un moment donné. Tu vas t'acheter plein de Ferrari. Mm-hmm. Il y a du stock, on dit dans le chat. Ouais, Jim dit, il y a du stock en effet. Mec, merci beaucoup, 007, 500. On le voit là à l'écran. Oh, on l'a pas vu longtemps. Et puis, c'est ça. Sinon, il y a beaucoup de narration. Pendant que tu joues, ton personnage, il parle. Tes amis hackers, ils te parlent un peu aussi. Elle parle beaucoup de ça, elle marche. Ah, encore des lasers, youhou! Ou bien, tu sais, elle dit tout le temps quelques sous pour notre beau travail, 007. Ouais, c'est apprécié, merci. Très apprécié. Puis là, tu vois, la sauvegarde, c'est une borne de space, oui, computer space, la première arcade. C'est ce que j'avais montré quand j'avais été à Vegas. Là, exact, exact. Ben oui. Puis wow, que, c'est hot, ça. Il y a du lore là-dedans à côté. Ouais, c'est là, cool. C'est très cool. Puis comme je disais, qu'est-ce que je disais, là? Les améliorations. Ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup de dialogues, en effet. Ton personnage parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, ça peut peut-être taper ses nerfs, mais d'un autre côté, je trouve que ça dynamise le jeu et ça rajoute beaucoup de chaleur. Okay, ouais, ouais. Puis les dialogues, tu sais, sont un peu quétaines, là, et puis c'est bien niaiseux, là, mais tu sais, c'est correct. Là, ça rajoute de la chaleur. Et puis, visuellement, comme je disais, le style choisi est intéressant, mais le rendu fait cheapette pas mal quand même. Ouais. C'est pas sa grosse coche. Tu vois que c'est l'équipe B, là. C'est l'équipe de Laval, là, de WayForward qui ont fait le gros de ce jeu-là. T'sais. Le studio de Laval. Le studio de Laval. Mais il y a eu beaucoup d'amour quand même, t'sais, de par tout le lore qui a été injecté ouais, là-dedans. Ouais. Fait que ça, j'ai été très surpris de ça. Puis au début, j'étais comme, oh, c'est facile. C'est con, ça va nulle part. Puis finalement, j'ai accroché assez vite. Et puis, j'ai pas, t'sais, je suis pas tombé en bas de ma chaise. Là. Mais j'avais du fun. Puis ça reste, bien sûr, c'est pas ça révolutionne pas le genre. Non, mais ça n'apporte cool, rien. Mais pour vrai, c'est juste super smooth, puis relax, puis plaisant, tu sais. Puis le Yars que tu joues en plus là-dedans, c'est cool, tu sais, ça rajoute. Fait que c'est pas trop long, la map est simple, puis au début, c'est très linéaire, puis à un moment donné, tu backtrack plus, là, tu sais. Puis là, tu utilises tous tes beaux nouveaux pouvoirs, justement, pour aller à bien des places. Puis là, tu vois le loading screen, c'est un YAR comme ça. Ah, qui ouais, ouais. Mais par contre, quand tu joues sur Switch... On l'a vu, le TTS. On l'a vu, ouais, vite fait encore. Quand tu joues sur Switch, il y a beaucoup de loading. Et puis ça, c'est très décevant, là. Vivement la prochaine Switch. Ah, vraiment, là. T'sais, des fois, ça vient lourd, là. Chaque fois que tu changes de bout de niveau important, t'sais, c'est un gros loading, là. Ça, c'était de la merde, je dois le dire. Ouais. Fait que c'est ça, très sympathique, j'ai eu beaucoup de plaisir, je dirais, tu sais, j'ai de la misère à le conseiller tant que ça, de vous dire de prendre tout votre argent, mettre ça là-dedans, mais si vous aimez le moindrement Atari puis Yars Revenge, ouais, ça va être un bel hommage à Yars Revenge. C'est un parfait hommage magnifique à Yars Revenge, mais c'est pas un grand jeu, puis c'est pas un nécessairement beau jeu, c'est un convenable jeu, tu sais, c'est ça. Fait. Ça look générique un peu, effectivement. Là. Ouais, tu vois, là, les sprites, là, quand ils parlent ça, là, c'est un peu générique, en effet. Alors, pour toutes ces raisons, je vais octroyer à Yars Rising un simple 3 pommes sur 5, mesdames et messieurs. Dans les basses notes aujourd'hui. Ouais, ben, ça passe, tu sais. Ouais. Ça aurait pu être un 3.5, 3.5, là. J'aurais mis 3.8. Il fallait clignoter. On n'est pas sûr où quelqu'un l'a mangé. Fait que c'est ça. C'est convenable. Pour vrai, je m'attendais à de la merde. Je m'attendais à ce que ça soit, man. J'ai comme, c'est moi juste le cave qui a acheté ça, encore une fois, rien que parce que je dis que j'aime l'Atari. Mais non, je l'ai aimé. Je l'ai fini. Je l'ai fait à 90-ish%. Quand même. C'était suffisant. Puis je garde ça dans ma collection avec les jeux que j'ai terminés. Puis ça me convient. Et voilà. Très heureux de ça. Peut-être peu, faut que je monte la musique un petit peu. Ce moment de détente est une présentation de Bubble Bubble. Oui, monsieur. Laisse ça pendant que je vais chercher les questions. Ça devrait être ça, les questions du public. Bubble Bubble qui joue pendant une demi-heure. Le monde va nous haïr. Hey, si le monde virait fou à Blaster Master. Les premiers WEG, me semble qu'il y avait tout le temps une track de Bubble Bubble qui jouait tout le temps, genre non-stop à une place. Genre, moi aussi, je me rappelle il y avait du Bubble Bubble qui jouait. C'est les premières affaires, comme on commence Bubble Bubble, yes. Personne ne joue, juste la musique qui joue en loup. Fait que là, pour les questions, on va retourner. Ouais, en restant, au fond, on débordait. Puis là, il est même pas 9h. On est tellement en avance aujourd'hui. Ah, ben c'est parfait. On va avoir du temps. On dirait qu'on est débordé. On retourne au 23 septembre. Finir les questions qu'on avait dit qu'on allait finir. Alors, on y va comme suit. Simon Lahaye, le MetaQuest 3S se vend au même prix qu'une Nintendo Switch. Quel appareil pensez-vous que les adolescents vont le plus demander à Noël cette année? Le Quest 3S. Ah ouais, hein? Ben, les adolescents. Ben, ouais, je pense que les... Fortnite encore, ça a Switch. Oh, je sais plus, pour vrai. Non, mon adolescent d'enfant, il joue pas à Switch, moi, là. Il joue à PS. Moi, j'ai un petit gars... Il joue PlayStation, Xbox. 4 ans, 9 mois, qui joue juste à Playdate tout le temps, là. Fait que c'est... Ah ouais, c'est ça. Je veux jamais lâcher à Playdate, là. C'est... Fait que toi, ça n'a pas rapport, mais en tout cas, moi, pour des adolescents, je pense que la Switch est un peu passée, là. Ouais, puis le Quest, d'après moi, ça va quand même devenir populaire pour les ados éventuellement. Là. Enfin, puis le Quest 3S, c'est la version bas de gamme du 3 un peu, un petit peu en dessous. Ok, ok, ok. 3,99 je pense. Ok. Mais qui est ah, ben c'est pas pire. C'est comme le 2 mais upgradé, mais pas au niveau du 3 que j'ai. Mais donc, fait que ça, c'est bien, là. C'est une belle offre, là. Mm. Melter qui dit qu'il vient de s'acheter une Analog Pocket puis il veut 3 bons jeux de GBA. Ah, y a pas un GTA sur le GBA? Ah ben... Chinatown, je pense. Il est sur, GBA il est sur DS. DS. My God, sur GBA, man. Ça dépend du style. Ouais. Il y en a tellement, tu sais. c'est toutes les Castlevania, toutes fucking Gunstar machin, Gunstar Heroes. J'ai attends, c'est trop pris au dépourvu. Là. Ouais, faut qu'on te revienne bientôt. On va essayer d'y penser pendant qu'on parle. Fait que pour les ados, moi je pense que ça va être plus un MetaQuest qu'une Switch. Vincent Bussière, Lavallée. Un petit rapport. VBL. VBL est dans la place. Un vraiment beau lapin. Que penses... VBL. Que penses-tu que le cabaret... Je me demandais, c'est comme si sa photo, il y a un lapin. C'est quoi? Non, non, non. Vraiment beau lapin, VBL. Okay. Que penses-tu que le cabaret La Tulipe doit... Ah, il doit cesser ses activités parce qu'il y a trop de bruit. Aïe, ça, là. Aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Donc, ma compréhension du dossier est qu'il y a un courtier immobilier qui a acheté l'immeuble adjacent au cabaret La Tulipe. Et puis que là-dedans, il y a des logements habitables. Puis il y a quelqu'un qui habite là qui s'est plaint du bruit et qu'il a gagné et puis qu'il a fait fermer La Tulipe à lui tout seul. C'est fucking ridicule. C'est une institution, là, La Tulipe, là. Exact. En plus, exact. Hein. Vous avez sûrement vu passer les nouvelles. Bon, là, OK, c'est des nouvelles de Montréal. Oh, pour ceux qui haïssent Montréal, là, vous en crisez. Mais bon, quand ça même. Ça crée quand même un précédent de genre fermer une salle de bruit genre de, qui existe. Ben, il y avait eu le divan orange. Le divan orange, okay. Qui était un petit bar quand même de quartier très cool où est-ce que des artistes québécois importants ont passé et ont débuté. Et puis, c'était très respectable. Ils ont fermé à cause de ça. Mais là, le La Tulipe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un théâtre. Là. C'est gigantesque. Oui. Je sais pas si vous avez écouté la dernière saison de « C'est comme ça que je t'aime ». Oui. Quand ils sont dans un bar, là, un gros bar là, au début, et puis avec l'autre gang, là, ils montent à Montréal puis ils vont dans un gros club. C'est le La Tulipe, ça, d'ailleurs. C'est bon. Je et puis, moi, je suis allé au La Tulipe une couple de fois quand c'était rendu, justement, un club. Il n'y avait plus de spectacle là. Ah ben peut-être qu'il y en avait encore, mais sinon il faisait un club de nuit là avec ça. Moi j'étais allé clubber là. T'es allé voir Joran? Et Joran, man. Ça mérite de fermer rien que pour ça. Fait que c'est ça, c'est du jamais vu à Montréal. Puis là c'est comme que c'est... ben ça s'est vu, mais tu sais de cette ampleur là, c'est comme mais que c'est qui s'est passé là? Ouais. Comment est-ce que la ville l'a échappé pour se prendre les mains elle-même dans leur propre engrenage de règles pas rapport qu'il y aurait jamais. Tu sais, comme la comment est-ce qu'on appelle ça? C'est de la bureaucratie sans avoir de réflexion en arrière de ce que tu fais, là. C'est... Exact. Pour changer le zonage, ouais, tu sais, ouais. Puis tout ça. C'est comme, voyons, le bloc à côté, tu sais, envoyer personne vivre là, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi ça a été permis, ça? Pourquoi, ouais, c'était quoi les logements qu'il y avait à côté? C'était pas des logements, probablement, qui étaient là? C'était une bassesse commerciale qui a converti en logement? Ou c'est... Je sais pas exact. Je suis repassé là, direct dimanche. Je cherchais des locaux, justement, pour ouvrir une deuxième arcade. Puis je suis allé voir. Je me dis, Chris, il y a un bar de danseuse en face, là, qui est fermé depuis longtemps. Danseuse MTL. Danseuse, puis arcade. Wow! Oh boy! Ça serait connu mondialement, ça, là, Danseuse MTL. Mais j'ai pas vu comme fou là, comment est-ce que quelqu'un pourrait vivre là-dedans. Mais cela dit, c'est ça qui est arrivé en gros. Là, il y a eu des manifs après le monde dans la rue devant la Tulipe qui faisait du bruit. Là. Oui, vous pouvez regarder ça à Infoman, ils ont fait un grand topo là-dessus. Infoman, c'est drôle, les shows silencieux. Là. Ouais, dans la Tulipe. Fait que ça, c'était drôle. Fait que bref, c'est une vraie de vraie honte. C'est épouvantable. Ah ouais, puis Montréal qui se targue, c'ti, d'être la place cool pour le nightlife, qui travaille là-dessus puis qui c'est hot. Ça fait dur. Ils font des affaires de même. Quand c'est le Grand Prix, man, ils cochonnent ça. Ouais, c'est ridicule. Fucking bureaucratie de cave. Ça n'a pas d'allure. Ça manque de vision, clairement. Là. Ah, le manque de vision, tu dis. C'est fou, là. C'est une honte. C'est une honte. Et puis, on est bien déçus de ça, monsieur VBL. Monsieur Beau Lapin. Vous pouvez rire de nous autres à Montréal. On l'a échappé en esti là-dessus. Charles Trudeau, tu penses quoi des compagnies qui font des remakes de suite à la place de commencer par le début? On avait répondu fait ça, ouais. On ne comprenait rien, mais on l'avait fait. OK. attends, il y en avait d'autres. Ouais, parce que là, l'ordre est brisé un peu. Simon Perrault. J'ai visité le McFly à Québec, le bar arcade. Et comme plusieurs clients qu'on a vus passer, j'ai été étonné de voir que le couloir d'arcade qu'il y avait là était rendu vide et qu'ils ont mis un rideau noir pour cacher le dit couloir. Après avoir pris nos bières, on a découvert le bar Vox qui, lui, était rempli d'arcades et de machines à boules. Je laisse ça ici comme info. Bon show, les boys. Parce que, ouais, on avait parlé de la saga, là, au fond, un peu. Là. La saga que le McFly a poursuivi le Vox parce que le Vox, les propriétaires de ça, est un indépendant qui réparait des machines à son compte et qui faisait celle du McFly. Puis il est parti, son bar arcade, le bar, le Vox, direct à côté du McFly avec une ancienne barmaid du McFly. Ouais, ouais. Genre sa meilleure, ce, au dire du gars du McFly. Fait que je comprends le gars du McFly, c'est comme Chris, guys. Mais fait qu'il a amené ça en cours, mais il n'y avait pas de. Il y a pas de cause. Là, ouais. Il a pas gagné, ça n'a pas marché. Et puis tout ça, c'est des infos publiques, des articles. Il y a sûrement un bon article de ça dans Le Soleil à Québec. Fait que c'est ça. Donc le McFly ferme en fait. Puis il ferme. En tout cas, il est encore ouvert, là, mais il est à vendre. Okay. Et puis vous pouvez l'acheter, je connais le prix. Mais sinon. C'est pas que le gars s'est ruiné en essayant de faire une poursuite, là. Je pense qu'il y avait d'autres affaires. Ouais, mais, peut-être, ça serait fou, sinon. Mais le bar est à vendre, si vous voulez. Ah, et puis ouais. Les machines, le concept. Là. Tu rentres là, c'est à toi. Tu peux l'acheter. Ben, rachète-les, rétro-QC. Je trouve que le Vox fait un excellent job pour vrai. Puis ça vaudrait pas la peine d'essayer de se replanter à côté de ça puis d'aller combattre le Vox. Ce que je dis là, c'est pas des secrets. Là. Les machines sont affichées partout sur Facebook, dans des groupes. Et puis, on a communiqué avec le propriétaire à maintes reprises pour essayer d'y acheter des machines, tu sais, parce qu'il y en a des belles, là. Il y en a des Christy de belles. Mais au début, ils vendaient pas ses meilleurs, tu sais, comme il y a Burger Time qui a mis en vente qui apparemment s'est vendu tout de suite. Et puis, ça, on l'a échappé. Mais sinon, il y avait une Track and Field qui, je pense, est encore à vendre. Fait que là, on a communiqué avec lui, tu sais. Puis on dit, tu sais, je sais que t'en as d'autres. Tu sais, penses-tu les vendre? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'il y avait un entrepôt et en plein. Puis là, il nous a nommé une couple de points intéressantes. Fait que là, j'ai essayé de dire, tu sais, t'en as d'autres, là. Puis tu vas les vendre, tu sais. Ouais, ouais. On aimerait... avec toi, comme s'entendre sur, on voudrait, on t'en prend 5, mettons, on loue un camion, on va sur place, si tout est beau, on part avec, tu sais. Bon. Mais le gars, il veut rien savoir de nous autres, là. De nous autres, là. Les machines sont à vendre, tu sais, quand il a parlé, là, il y a 4 jours, là, il dit, tout est vendu, fuck off, tout est vendu, voyons, crissez-moi patience. Puis là, ben, il les annonce une par une, les machines. On va les acheter, moi. On se loue un truck, on va les acheter, aussi. Mais il veut pas nous les vendre. Il fait que, tu sais, je sais pas c'est quoi le problème. C'est-tu une affaire de Québec-Montréal, tu sais? J'ai comme l'impression que oui. Ah ouais. J'ai comme l'impression qu'il nous haït, tu sais, simplement. Et puis, on avait eu à l'ouverture, proche de l'ouverture d'Arcade MTL, un petit accrochage, tu sais. OK. Où est-ce que, comme j'avais dit quelque chose dans le podcast, puis ça avait été mal compris, puis il était en crise, j'avais dit que si. Je parlais-tu juste du McFly puis, ou d'un autre? Je me rappelle pas. Mais j'avais dit quelque chose, genre, s'il se mettait... Je parlais que nous autres, on va ouvrir un bar puis on va avoir un cover. Puis là, j'avais dit que si le McFly allait avoir un cover, tu sais, il allait fermer. Mais lui, il a comme pris ça comme qu'il fait une job de merde puis qu'il va fermer. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de cover en place. Puis si tu imposes un cover du jour au lendemain, les gens, ils vont probablement cesser d'y aller ou être en crise. T'sais. Puis cela peut causer une fermeture. En fait, c'est ça que je voulais dire. T'sais. Puis je pense que lui a compris que genre je riais de son bord puis je disais que ça allait fermer parce que c'est de la merde. Chris, pas je le disais pas en tout. C'était admirable, cette place-là, à l'époque. Fait que bref, il m'a mal compris là-dessus. Puis là, il chiait sur nous autres. Puis là, un moment donné, j'ai écrit en privé. Puis bon, on a comme c'était le beef. On s'est réglé le beef puis on s'est jamais reparlé. Mais j'ai comme l'impression que peut-être qu'il reste un peu de ça. Ou qu'il fait juste haïr Montréal, puis qu'il voudrait surtout pas les vendre à un compétiteur, entre guillemets, alors qu'on s'en calisse. Ouais, il y a tellement de compétiteurs, voyons, hostie. Fait que, tu sais, je comprends qu'il ne vendra pas au Vox, là. Ouais. Ça serait bizarre. Mais, tu sais, à nous autres, tu sais, qu'est-ce que ça change? Fait que c'est ça. C'est bien dommage. Mais, puis là, sa Moon Patrol est en vente, man, puis je m'en tiens, hostie, là, de. Je suis cassé. Là. Sinon, je l'achèterais pour moi et j'irais la mettre dans mon sous-sol. Mais c'est ça. Là, je me retiens. Mais bref, C'est ça qui se passe avec le McFly présentement. J'ai comme l'impression que ça va fermer définitivement. Si, okay. S'il est en train de vendre des belles machines comme parce qu'il voulait pas vendre ses belles, parce qu'il veut vendre le bord puis le concept. T'sais. Fait que tu gardes tes bonnes machines, tu débarrasses de ton extra. Mais là, on dirait qu'il met la hache dans les bonnes. Fait que d'après moi, ça augure mal. Mais ça, il m'a rien dit. C'est ce que. C'est ton analyse. C'est ce qu'on voit avec des informations publiques telles que les machines se font vendre. T'sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Donc, à voir. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas si on va y acheter des machines. En même temps, on n'a pas de besoin. C'est juste pour entreposer pour peut-être plus tard. Pour notre local, pour danseuse MTL. Arcade et danseuse, le paradis. SSS Frank, dans le chat, qui dit « Papa Cassette, as-tu redonné une chance à Tunique? » Non, mon ami, puis je vais essayer de le vendre en prochaine réunion. C'est j'arrive pas à aimer ça. C'est bon, c'est vrai, quand même. J'y arrive pas. Comment le monde Québec, vous avez les Kings, là? Ben oui, les Kings sont là, c'est-tu. Les Kings sont en ville. Marc-André Nadeau, est-ce que nous serons en élection fédérale cette année? Avais-tu parlé de ça? Oui. On aurait parlé de ça. Bon, il y a bien du sport dans les plateformes de streaming, tout ça, on a parlé de ça. GameStop qui se lance dans le rétro. Ouais, ça, on a parlé. Personnage vraiment. OK. Jeux disponibles sur plusieurs consoles qui sont plus plaisants à jouer sur. De Marc Gravel, oui. Jeux disponibles sur plusieurs consoles qui sont plus plaisants à jouer sur Switch que sur les autres consoles. Deux opinions personnelles, The Binding of Isaac et Hades. The Binding of Isaac, je suis d'accord. Là. C'est quand même plaisant sur la Switch. Je peux l'avoir en portable en plus, fait que c'est cool. Là. Oui, je dirais Enter the Gungeon. Ah ouais, ce genre de jeu-là. Là. Genre un petit jeu de même, Rogue, Twin Stick, Top Down, rapide. Là. Ouais. Ouais, c'est ben en fait, c'est deux exactement jeux de la même sorte qu'on vient de nommer là. Des shmup, quand même cool, c'est la Switch. Ah, il n'y a pas de temps, mais pas tu de peux, temps. Si tu flippes ton écran vertical. J'ai même pas d'exemple en tête, j'ai jamais fait ça. Ben moi, j'ai un petit grip machin là, que Simon Lahaye d'ailleurs, c'est un cadeau de Simon Lahaye. Alors ça, ça peut être utile, mais sinon, ça fait un petit écran quand même, là, je trouve. Effectivement. Mais des jeux précisément, man. C'est dur à dire. Parce que je joue énormément portable. Faut que tu veuilles profiter de la portabilité. Sinon, une autre machine, c'est mieux. C'est plus rapide, moins de loading. Exactement. Exactement. Fait que dans le fond, c'est des jeux qui sont le fun à jouer portable au final. C'est ça. Oui, des petits rogues rapides de même. Là. C'est pas mal ça. J'ai pas d'autres idées. Désolé. J'ai pas joué. Je joue pas à des jeux de course. Je joue pas à des... Black Widow Recharge de Atari, Twin Stick Shooter. Des Twin Stick Shooter! Ouais, c'est pas mal ça. Francis Laplante, vous avez fleuri le sujet durant le spectacle de Garn. Quelle est votre tactique pour demander à vos parents, peux-tu louer une cassette de Nintendo? Attends, Francis Laplante, on n'a pas répondu à ça. Vous avez fleuri le sujet durant le spectacle du Garden Party. Quelle était votre tactique pour demander à vos parents, on peut-tu aller louer une cassette de Nintendo? OK. Ben, moi, il n'y a pas de tactique. C'était le vendredi, c'était pour la fin de semaine. Là. Exact, c'est pour la fin de semaine. En fait, nos parents achetaient la paix à aller louer genre 3 films pour 2$, puis des jeux, puis genre crisser nos patience. Là. Exactement. C'est pas mal ça. Ouais, avec. Là, il disait oui, il disait toujours oui. Ah, là, c'est rare. Je me suis jamais fait dire le nombre des jeux, me semble, non, ou des films. C'était... Je prenais mon bicycle à pédale, puis j'allais m'en louer. J'y allais à pied. C'était à 2 minutes de chez nous, fait que c'était très proche. C'était parfait. Là. Exact. Puis c'était 2-3 piastres là, dans le temps. Ah là, ouais, là, pour 2 jours. Là, t'sais, Après, si t'as eu Vidéotron, là, c'était genre 3 nouveautés pour 7 piastres, genre, pour une semaine. Ouais. Là, ça va aller. Ah ouais, c'est ça. C'était de la bonne business. Il semble qu'il y avait des deals même de genre louer un jeu puis un film genre, pour une fin de semaine pour 5 piastres, je sais pas trop. Là. Oui, je me rappelle vers la fin. En effet, au Blockbuster, il y avait un genre de deal. J'avais fait ça avec ma blonde une couple de fois. Il me semble que je me louais le temps. On avait un film pour la famille, un film pour mes parents, puis un jeu pour moi et mon frère. Ça avait le temps, ça ressemblait à ça, mes fins de semaine. Là. C'est une famille heureuse. Ouais, la belle époque. Ah ouais. Maintenant, c'est le burn-out, la dépression, NHL. Les playdates, NHL. Au moins, NHL, t'es encore là. Ouais. Stanley Cup. Stanley Cup, c'est pour toujours. SSS Frank dans le chat qui dit la Switch en portable, c'est parfait pour le RPG. Ah, c'est tu vois, c'est. Tout ce que tu grindes, en fait, aussi, ça peut être assez pratique parce que tu peux le mettre sur le side, le reprendre, continuer à grinder. T'sais. Exactement, exactement. Quand tu fais de quoi que. Tu te laisses à côté de toi, tu sais. Tu fais un truc, puis là, t'as le truc qui a besoin de process, ou je sais pas quoi. Tu fais un truc. Ouais, c'est. Y a-tu Vampire Survivor là-dessus? Ben oui. Ça aussi. Là. Fait que ça, c'est parfait, en effet. Fait que. Ben, je pense que ça fait le tour. Bonne affaire à faire. On avait... Ah non, Laurent ici, je pense. On n'avait pas répondu. Ah non, voilà. On avait-tu répondu à « Que penses-tu de la loi 72 sur les pourboires? » C'est pas vu, celle-là. Non, celle-ci devra dorénavant... Le pourboire devra dorénavant être calculé avant la TPS et la TVQ et affiché de façon plus claire sur les terminales de paiement. Donc ça, c'est intéressant. Ben, ça baisse le pourboire, ça veut dire, si c'est avant taxe. Exact. Parce que ton pourboire est calculé sur le montant avant taxe. Fait que... là, les gens qui sont au pourboire, qui reçoivent le pourboire, sont en crise. Mais ceux-là qui en payent, ils sont comme Chris about time, tu sais. Ouais, parce que dans le fond, tu payes un extra sur la taxe. Sur la taxe, tu sais. Comme, j'ai pas besoin de tipper la taxe, là, tu sais. Je tippe le service, là, OK, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Donc, il y a du monde, l'industrie de la restauration et des bars et tout ça, les employés. Là, je dis ça, c'est pas mes employés qui m'ont dit ça. Oh, t'en tabarnak. J'ai même pas, j'ai aucune idée de ce qu'ils en pensent. Parce que je connais pas mes employés. Je connais juste la gérante. Mais c'est ça, tu sais. Puis moi, je pense que le réflexe, tu sais, comme tout le monde est comme Chris, parfait, on arrête se faire crosser en tant que citoyen sur le pourboire. Mais là, on va peut-être être tenté d'en donner plus, justement, vu que c'est legit, tu sais. Si avec pourboire, ça fait 3$, puis sans... Avec taxe, ça fait 3$, puis sans taxe, ça fait 2$. C'est comme, ben, je vais donner 3$, puis ils vont l'avoir. Puis, tu sais, tu comprends, c'est pas parce que tu enlèves ça que le monde va. Ah, ils vont pas être généreux. Non, ouais, ça. Quand les gens je ont vais plus. Le... donner le même pourcentage que je donne là, moi, de toute façon. Là. Ben, ça va être moins pour eux autres. Ouais, mais j'en ai déjà plus que le 15, fait que ça se balance. Eh ouais, ben, c'est ça, moi aussi, je donne plus que le 15 anyway, tu sais. Je suis autour du 18, honnêtement, là, moi, 18, 20, dépendant, là, mais. Ouais, c'est dépendamment. 18, souvent, là. Tu sais, des fois, c'est moins. Je cherchais un café, si, là, tu me coules un café. Ben, ça, là. Tu donnes zéro, rendu là, des fois. Ouais, j'ai de la misère à le faire, mais dans ma tête, je me dis, genre, n'importe quoi que je vais acheter, que genre, je me fais servir debout. Je devrais pas donner de pourboire pour ça. Tu fais rien, tu me donnes ce que je te demande, là, tu sais. Exact. Puis je le donne pareil souvent parce que je m'en sac, là. Ben, moi aussi, je donne un petit affaire, là, mais tu sais, comme si j'ai un sourire ou bien quelque chose, là, tu sais. On dit dommage, Dom, tu devrais prendre le temps de connaître ton équipe. Des minutes bien investies. C'est parce que c'est pas toi qui gères, tu sais. Ben, je connais bien mon équipe chez Retro Montréal, mais parce qu'à l'arcade, ça change beaucoup. Ouais, il y a une bonne rotation. Ça change beaucoup et j'y suis jamais, tu sais, comme même quand je dis quelque chose, tu sais, c'est quasiment comme si un fantôme parlait pour eux, là. On n'est pas, je sais que je devrais faire ça puis c'est super important, mais... T'agis plus comme propriétaire que comme... Vraiment plus comme un propriétaire, tu sais, vraiment, tu sais, fait qu'on est deux propriétaires puis on deal avec la gérante, tu sais, fait que... Mais je suis jamais là. T'sais. Si je travaillais là, clairement, là, puis j'aurais des idées, puis je pourrais répondre à tous leurs malheurs, tu sais, quand il y en a. Mais c'est déjà fait, on le fait, via la gérante, tu sais, comme il y a un problème, on peut faire ça, certainement. Puis on se présente de temps en temps, bien sûr, j'aime bien arriver à l'improviste, personne ne me connaît. Donc à l'accueil, quand on a un nouveau, moi j'y fais tout le temps, j'y tire la pipe. Okay. Il sait pas qui que je suis, tu sais. Bonjour. Là, il m'explique le concept. Fait que là, je pose des questions. Ah ouais, comme y a-tu des rabais? Y a-tu un happy hour? Quelque chose? Comment ça marche les jeux? Je peux-tu faire ci? Je peux-tu faire ça? Puis là, il y en a qui m'expliquent tout ça proprement. Puis après ça, je me présente. Bien, bravo. Je peux-tu mettre une cassette de NES dans un Super NES? Là? Qu'est-ce qui arrive si je me vomis dessus? Fait que... T'es comme le client mystère, dans le fond, là. C'est exactement ça. Fait que je fais tout le temps le coup à l'accueil quand ils me reconnaissent pas ou quand il y a un nouveau à l'accueil, là. J'adore ça. C'est comme... c'est une bonne façon de les jouer. Je leur dis tout de suite après, puis je me présente, puis c'est bien correct, là. Fait que c'est ça. Mais sinon, Cyclone dans le chat, il dit il n'y a pas de garantie. Genre, si tu aimes pas le jeu, tu peux le retourner. Ouais, dans les clips vidéo, il y avait ça à un moment donné. En fait, Kevin avait parlé de ça au Garden Party. Ah ouais, hey, ça a-tu pas de fin, ça? Fait que Kevin a dû en ramener des jeux. Parce qu'on l'avait il n'y avait jamais party, rien. Ouais, démystifie le personnage pendant le Garden Party. Si vous voulez en savoir plus sur Kevin, le gars qui aime rien, puis Eric, le gars qui aime tout. Exactement, exactement. Et Martine, la fille qui casse tout. Exact. C'est notre crew. Fait que oui, moi pour vrai, le pourboire, je suis 100% pour là, cette formule-là. Ben, c'est logique. Oui, c'est logique. Ça a pas de, c'est logique. Il faut y aller avec la logique. Ouais. La toilette est bouchée, tu débouches la toilette. Non, comme grief. Tu types pas les taxes, tu types le service. Tu types le gouvernement rendu là. Ben oui, tu types pas le gouvernement, là, voyons donc. Parce que ces taxes-là, ça va pas dans les taxes vont pas dans les poches du propriétaire. Les taxes, ils retournent au gouvernement. Là. Ouais. Fait que, puis en plus, c'est comme... ils payent de l'impôt. Là, en même temps, ouais, ça fait plus d'argent dans, pour les travailleurs qui reçoivent le pourboire, parce que les autres, ils reçoivent le full pourboire. Oui, oui. Ben, ils partent d'une coche plus haut. T'sais. Si ouais, toi, tu dis que ça. tu donnes 18 à partir de là, tu vas continuer de donner 18, mais ça va être moins. Mais bon, ben là, je sais pas si moi, en tant qu'employeur, ils vont vouloir être augmentés à cause de ça. On va voir. Ouais, le type sur les commandes pour emporter. Non. Ben, ça dépend. Ouais, non. Si je le commande, je vais le chercher, ouais, je le ramène chez nous. Fuck you, là. Fuck you, là, tu sais, en effet. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis le taxe sur mon sac brun, là, tu sais. Exact. Fuck you. Mange la merde. Je veux juste voir, voir sur vidéo de nettoyage. Ah oui, il y avait une question, là. Question restante du vieux post, nouvelle question. La vidéo de nettoyage. Excuse, là. Jeff dit quelque chose. Bonsoir. En fait, on va aller voir le monde dans le chat pendant ce temps-là. Bonne idée. Attends. Ben ouais. Cyclone, tu commandes. Cyclone, King Nadera qui dit tu commandes debout, zéro type. Ouais, un autre qui pense comme moi. Tu vois? Exact. Dès que tu commandes debout, là, tu sais pas. Si t'as un cabaret pour amener ta bouffe à ta table, tu payeras pas non plus, d'après moi, là, de type, là. Non, non, en effet. Cyclone, 7$ pour une assiette vide supplémentaire. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Dans quelle place tu vis? J'avais une affaire que genre un resto de pizza, genre que si t'es deux sur une pizza, ils te chargent genre un extra d'assiette, genre pour que tu sois deux à manger. C'est comme, hey, fuck off. Non, et ça c'est rats, man. Ça c'est pas colon, là. T'sais. C'est comme, hey, je paye la pizza pas qui mange dessus, là. Ben ouais, c'est ça. Si c'est ça, donne-moi les pizzas à volonté, là. Ben ouais, c'est ça. Voyons, on peut être six dessus, on prend chacun une pointe, man, tu vas nous charger chacun six extra. Ouais, et on crise de colon. Non, ça c'est dégueulasse. Ça, c'est des mauvaises pratiques professionnelles. Ça n'a pas d'allure. Bon, je l'ai ici. C'est sur le post de nettoyage d'un jeu 64 que j'ai fait, que j'ai republié oui. sur la page Papa Cassette. Post qui, d'ailleurs, vient du TikTok de Retro MTL. On est rendu à 27 000 views là-dessus. Là. Le N64, c'est ça. Ben, c'est... L'informe, N64. Mais mon vidéo, il est bien fait pour vrai, là, mon nettoyage. J'en suis fier. Donc, Cyclone dans le chat qui nous explique deux repas adultes et une assiette supplémentaire pour un enfant, plus 7$. Hey, man. Dis-nous le nom du resto. On veut savoir c'est où. Hey, tu sais, chez La Cage, La Cage maintenant. Ah ouais, on sait ce que c'est. Pendant longtemps, il y a eu le dimanche gratuit pour les enfants. Là. Ouais. Maintenant, c'est rendu 4$ pour les enfants. Les temps sont durs. Les temps sont durs, je vois pareil. Mon gars aime ça manger du popcorn et de la pizza avec moi là-bas. Ben oui, c'est correct. Les écrans partout, on regarde le monde se péter à gueule, c'est drôle. Tu sais, c'est ça. Là. Les dents sont dures pour tous. Là, chez Arcade MTL, ça a déjà été 7$ l'entrée, puis là, c'est 9,5$. Et puis, tu sais, tout monte. Fait que c'est un peu ça. Là, les affaires gratis, je comprends ça. Je suis dû pour y aller à l'arcade, faire un méchant bout de paille, d'ailleurs. Ben oui, tu me le diras. Moi, j'y vais tout seul à cette heure. Tu me diras, quand j'ai pas mon gars le vendredi, samedi, je suis libre. Parfait, on check ça, man. On sinon, je suis chez nous le seul, puis je joue à Stanley Cup dans la ouais, on joue à l'arcade. on l'a, on se l'est pas fait voler. Bizarre, hein? On va aller prendre une bière et jouer à Stanley Cup. On va le dire aux Pats d'avance, aux Patriots. Si on y va, Si on y va, et puis ils viendront jouer. Ben oui, ben oui. Donc, à Stanley Cup. Michael, oui, Goulès. Est-ce que le nom est décortiqué? Là? Oui, c'est ça. Peut-être une question pour un épisode, mais faites-vous le calcul effort déployé versus plus-value donnée au produit en réponse à mon vidéo de nettoyage. Ah, est-ce qu'il arrive que vous faites « on touche pas à ça, on va le manger en temps » C'est le CPA qui pose la question et non le professeur. Nice. C'est tellement drôle. Ah, man, c'est drôle. Parce que oui, dans mon vidéo, je nettoie un jeu, tu sais, puis tout ça, puis ça prend du temps, puis ça prend des produits, puis tout ça. Fait que Michael, en fait, demande si on calcule la rentabilité d'une telle procédure. Ouais. Tu sais, on peut pas vraiment le calculer, là, en minutes. c'est genre breakdown. 25 cents la minute, tu sais. Parce que là, il faudrait que tu rentres dans le coût après ça, tous les matériaux que tu utilises, puis les quantités d'alcool, puis de. Puis qui le fait, tu sais. Ouais, comme si moi, je le fais, comme là, je l'ai fait, moi, j'ai un salaire plus élevé que la personne au nettoyage. Là, fait que si elle, mais je le fais plus vite. Ouais. Peut-être. Mais là, ben, je dis pas que je travaille plus vite que cette personne-là. Mais mettons, je le fais plus vite. Tu comprends la vitesse de chacun, le salaire de chacun. Et puis, comme tu dis, la quantité de push. Mettons, tu fais un push de goût de dégommeur. 25 cents du push. Ouais. Comme ça, tout ça, faudrait le micro-calculer. Là. Fait que c'est ben trop de calcul, là, ça n'a pas d'allure. Cependant, ce qu'on fait, t'sais, c'est sûr qu'un GoldenEye en boîte, si on veut vendre la boîte, puis la cartouche, ben on va mettre ça propre. Parce qu'il y a des jeux qu'on vend endommagés. Les jeux, on les rend au plus propre possible. Si le label est déchiré, il est déchiré. S'il est carvé avec un couteau, il n'y a rien qu'on peut faire. Ouais, faire mais si la boîte est écrasée, ben on va la repasser. Même si c'est une boîte de NHL ça Stanley repasse, Cup. Ça? Oui, au fer. Ben, tu dis que t'as vu mon vidéo, j'ai juste à repasser. Je ne sais pas si ça revenait aussi droit avant de me repasser. Oui. Fait que, direct au fer, là, tu mets la boîte à plat, puis tu repasses ça. Fait que ça la remet propre. Puis on le fait pour toutes les boîtes. Parce que, des fois, un jeu mauvais, complet en boîte, va valoir 25$. Parce que, Stanley Cup, mettons que la cartouche vaut 5$, tu sais. Fait que, on va faire un effort de repasser la boîte, parce que les gens aiment ça avoir une boîte, tu sais. Puis, des fois, quand les jeux en boîte se vendent pas, ça arrive qu'on déboxe les jeux. Okay. On vend à l'unité la cartouche et on vend à l'unité la boîte. Parce que toi, t'as peut-être déjà Stanley Cup chez vous, puis t'aimerais bien le boxer, tu sais. Fait que nos boîtes, on les met clean. Mais des fois, quand c'est trop, tu sais. Mettons une boîte qu'on va pas utiliser pour boxer un jeu, mais qui est pleine de collants, là, pleine, là, puis ça va prendre comme une demi-heure de gaz, puis de frottage, puis de gossage. On la vend telle quelle, pour bien moins cher, puis on fait notre argent comme ça. Parce que quand on la rachète, dégueulasse de même, on la rachète vraiment pas cher, tu sais. Fait qu'on peut pas transformer, puis fait qu'on perd, on vend, on achète pas cher, on vend pas cher, on fait notre petit argent. Mais si on passe du temps à mettre du pas cher beau, tu sais, à la sueur de notre front pour quelqu'un qui va plus ou moins la désirer, tu sais, on peut pas augmenter le prix, tu sais, fait que ça marchera pas. Fait que c'est ça. Puis bon, si un boîtier est cassé, on va le remplacer. Mais s'il est graffiné un peu, puis c'est un NHL au PS1, on va pas le remplacer. Parce que aussi, tu sais, ça arrive, là, c'est des jewel case, là, comme des CD de musique. Là. Si c'est tout scratch, dégueulasse, même pour un NHL 99, on va le remplacer. Mais si c'est passable, on va le laisser. Parce que c'est un jeu qui vaut 10$. On s'en fout, tu sais. Fait que des fois, à l'intérieur d'un case de PS2, les pins qui tiennent les livrets, on garde le case pareil. On dit, bon, là, ça va, tu sais. Fait qu'il y a des places qu'on tourne les coins ronds comme ça. Mais je vous dis, j'ai acheté des jeux dans toutes les boutiques du Québec. Et puis, c'est pas pour chier sur les autres, mais Retro Montréal est la place que les jeux sont les plus propres. Et où est-ce qu'il y a un effort fourni important? Puis ça paraît. T'sais. Le ratio effort puis retour sur investissement se calcule pas de même parce que ça va dans votre réputation aussi en bout de ligne. Exactement ça. Moi, c'est pour ça. T'sais, ici, on prend des vraies photos de nos vrais jeux. Et puis, Et puis, le temps qu'on met là-dedans, ça devient une marque de commerce, t'sais, entre guillemets. Là, t'sais. Ici, tout est propre. Tu passes les racks, là, tu dis, mais il n'y a pas une crotte sur rien. Ouais. Tout est top clean. Là, t'sais. Puis quand c'est pas beau, ben on le jette. S'il y a un boîtier de PS2 qui a pris l'eau, là, qui est water damage, puis qui est moisi, puis collant, puis dégueulasse, on fait juste pitcher ça au recyclage, puis on vend le disque à l'unité. Puis si le disque il vaut moins que 15$, ben on va le mettre en liquidation à 1$, 2$ ou 3$, dépendamment de quel genre de jeu que c'est. T'sais. Fait que, puis pour vrai, les consoles, man, on les torche là, comme faux. Tout ce qui est vendable, on essaye de le vendre. Tous les défaits qu'on les vend des gens qui réparent ça et qui s'amusent avec ça. Fait qu'on se refait un peu d'argent avec ça. Sinon, on va à l'éco-centre à chaque mois avec des bacs de câbles et d'affaires cassées. Fait qu'on. Puis, tu sais, parce que des fois, le monde ne font pas juste nous amener leur belle Wii U de collection avec leur Wind Waker brille. Wii U avec des fils dans un sac. Là. Eh bien, Chris, le monde nous apporte des bacs de vidange, là, carrément, là, avec 10 000 manettes toutes mélangées, pleines de crasse, man, puis de merde, là, tu sais. Nous autres, on passe à travers ça au complet, là. Tout ce qui est pété, third party, whatever, pas vendable, on le jette, tu sais, puis on nettoie ça, on le teste. Si c'est des faits qu'on le vend à quelqu'un, s'il n'y a plus rien à faire, on prend notre char, notre gaz, notre temps, et on l'amène à l'éco-centre pour qu'il soit recyclé, tu sais. Fait qu'on pourrait, on fait un bon effort écologique là-dedans. Je trouve que ça réduit notre empreinte écologique. Hey, puis le monde dans le chat qui disait à quel point que Red Room TL c'est dû abattre puis que le produit ça accroche. Hey, vous êtes bien fin tout le monde. Bien blood. On travaille bien fort pour vrai là-dessus. Puis moi je voudrais pas que ça soit autrement. T'sais. Je veux pas c'est très honorable. Je veux pas des jeux sales en bas, quand justement des grands YouTubers français se pointent. C'est tellement pas si dur de faire un bon travail que de botcher de quoi là. C'est le même temps souvent, ou à peu près. Fait que tout souvent de faire une bonne job. Rendu là. Ah, absolument, absolument. Ça coûte pas. Ça coûte pas plus cher. C'est pas moins. C'est, comment dire? C'est pas plus long de bien faire la job, tu sais. Fait que ça vaut la peine de le faire, tu sais. Mais des fois, on pousse un peu le crayon, là, pour des jeux, c'est, là, c'est correct, mais ça, c'est la passion qui en c'est la passion. Et probablement les fumes de vapeur, d'alcool, genre de nez, là. Exactement. Fait que, ouais, je suis bien fier de ça. Alors, maintenant, on s'en va dans les... mais donc, Mikael Goulès, c'est tenu compte quand même, là. Quand même, tu sais, des fois, il y a des GTA qui, bon, on se forcera. On va pas bander avec ça plus longtemps. Je vais revenir. Oui, au... j'imagine que quand tu nettoies des jeux, c'est parce que tu as le temps de le faire aussi. Tu n'as pas d'autres mails à faire plus importantes qui traînent pour ça. Là. Ah, quand moi, je fais ça, ouais, ouais. C'est juste que je prends un break. Ouais, c'est ça. Là. C'est volontaire d'aller faire ça parce que je t'écœurais de l'ordinateur puis des autres facettes de travail. T'as pas un break, t'as nettoyé puis t'as fait une vidéo après ça. Fait que c'est, exact. C'est du réinvestissement de temps. Ben, Chris, au view, ce qu'on a eu, c'est de la pub. En fait, c'est pour ça que je veux faire ça. Mais quand moi je fais ça, puis je me filme pas, puis que je fais juste faire ça, tu sais, comme c'est pour me détendre dans ma bulle. Vers 4 heures, une fois de temps en temps, quand je suis brûlé bien raide. Fait que c'est ça. C'est Claude dans le chat qui demande si on avait un système pour éviter d'acheter du stock volé. En fait, ce système-là existe. c'est la police de Montréal qui dicte à toutes les entreprises qui font du rachat de usagers. De remplir des fiches de ce que vous rachetez dans le fond, puis d'envoyer ça à la police. Avec des vols, mettons. Là. Exactement, avec les numéros de série puis tout, là, pour les consoles, etc. Fait que tout ça est envoyé à la police et puis tout ça doit dormir ici pendant 30 jours au cas où la police a un vol, tu sais. Fait que voilà. Donc, si on a un numéro de série pour une Switch, la police nous poke, avez-vous des Switch dans votre backstore? On a pogné ici du monde, pas de cette façon-là, okay. Mais du monde louche, tu sais, qui avait volé un char finalement, puis que c'était un vol, puis bref, c'est ça. Mais non, jamais que la police... Je voulais acheter mon S puis mon char. Ça va penser quoi, ça tourne? C'était le gars random, en tout cas, c'était, je pense que je l'avais déjà raconté, là, mais c'était assez weird. Donc, il y a un système pour ça, puis toutes les pawn shops aussi doivent appliquer ça, tout le monde. Que t'as une boutique de piano usagé, faut que tu fasses ça. Tout le monde fait ça. Fait que voilà, c'est ça la chose. Et puis, si le 30 jours passé, personne ne nous parle, bon, ben c'est considéré comme pas volé. Fait qu'on peut le vendre, tu sais. Fait que c'est ça. Blastman dans le chat qui dit pour un collectionneur, Retro MTL affiche l'état du jeu vendu. Je crois que c'est les seuls qui le font. Oui, on passe beaucoup de temps aussi à break down les états, tu sais, puis on se casse la tête sur l'interne. C'est-tu usure ou endommagé? Ah, mais là, c'est jaune pas mal. C'est tellement de l'usure qu'on va c'est le mettre endommagé. Jaune. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, il faut qu'on traîne aussi puis qu'on regarde avec nos employés parce que, mettons, telle gamme de jeux, je dis n'importe quoi, Mario Kart. Sur 64, mettons. Qui achète ça, tu sais? C'est pas les collectionneurs. C'est ils les l'ont joueurs, tous déjà. C'est le monde qui veut le jouer. Fait qu'eux autres qui aient de l'usure puis qu'on enlève un gros 10$ d'usure, ils s'en calissent. Ils l'achèteront au prix normal pareil. Prendre, ouais. Fait que faut pas enlever de l'argent à des places où est-ce que le monde s'en foutrait de l'état, tu sais, tu comprends? Mais certainement que c'était un jeu de PS2 à 400$, puis il y a de l'usure, ben là, on va enlever de l'argent, tu sais, parce que ça fait du sens. Parce que le public de ça, et check ça, tu sais. Fait qu'on essaye d'ajuster un peu nos usures. Mais tu sais, on enlève de l'argent pour l'usure à 95% de notre inventaire aussi, là, tu sais. Mais c'est juste qu'il faut checker ça. Ouais, ouais. Mais tu vois, oui, ça fait partie d'une autre affaire avec quoi on se casse la tête. Puis que ça paraît peut-être pas dans le grand public, tu sais, mais que comme on essaye vraiment, il y en a des paramètres dans nos affaires. C'est ça qui fait que vous vous démarquez aussi, là. C'est l'effort mis puis le souci du détail. Ah, vraiment, vraiment. Fait que, on va y aller avec les questions. Tu vois, il est déjà 20h18 et puis on commence les nouvelles. Il est 21h18 puis on commence les nouvelles questions. On va aller voir les Canadiens s'ils ont rendu où en même temps. Pendant bonne idée, ça. Il me reste une minute de musique, faut changer. Alors, on va commencer par en bas. C'est encore 1-0 en troisième période. Excellent. Marc-André Nadeau. Qu'est-ce que vous pensez du réveil musical Alarma? Ah, ça sort aujourd'hui. Est-ce que la nouvelle appareil attendue de Nintendo... C'est... Ah oui, c'est le nouvel appareil attendu que Nintendo. C'est comme un... Mais, c'est un réveil matin. C'est un réveil matin qui, je crois, n'est disponible que dans le club Nintendo. Donc, avec des points que tu accumules, donc j'ai arrêté de checker ça, moi, depuis bien des années. T'es-tu capable de le mettre à l'écran? Ben, je vais voir s'il y avait une vidéo, okay. Mais je peux te mettre ça au moins à l'écran. Là. Donc, c'est une alarme Mario. Là. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, je pense que t'as des scènes différentes. Faudrait, attends, je vais voir si c'est une vidéo. Là. Attends, je vais dans la vidéo. Ça, c'est-tu Nintendo, ça? Ouais, c'est ça. On va aller là, on va aller se mettre sur mute, parfait. Je pense que ça, ce que ça fait, c'est que ça joue des scènes. T'as-tu mis la musique du vidéo, là? Non, je pourrais parce que la musique est fermée. OK, on écoute ça. Let's see what it's like to ça wake va louper, up par exemple, with Alarmo. Attends, on va-tu se faire flaguer de l'épisode si on fait ça? Là? Non, mais le son, on va louper parce que je peux s'arrêter comme il faut. Là. OK, c'est correct. Laisse faire ça. On va juste regarder les images. Ouais, je vais aller remettre la musique pendant ce temps-là. Parce qu'on fait a que, pour être franc, j'ai vu la nouvelle aujourd'hui, puis je me suis dit, bon, quelle sorte de gogos c'est ça? Puis j'ai pas le temps, puis j'avais pas le temps. J'aurais pu prendre le temps quand même. Là. C'est pas vrai que j'avais pas le temps. J'ai oublié de repenser à checker ça, puis qu'on aurait pu en parler à soir. Mais j'ai déjà assez de cossins autour de moi. Moi, on dirait que je veux... Mais regarde, ils mettent des scènes de genre de jeux vidéo, c'est quoi? Qui affichent à l'écran? Je sais pas, quand ça se réveille... Mais qui a besoin d'un cadran encore? Qui se réveille pas avec son sel maintenant en 2024? Pour vrai? Ah, moi, par contre. J'ai le même cadran que j'ai acheté au Corvette de Saint-Joseph-de-Beauce nice. En quatrième année. Là. J'ai mon Spartus. J'ai un vieux cadran, mais je m'en sers plus maintenant. Là. J'ai mon cellulaire branché à côté, là, fait Ben moi, mon cellulaire, est loin du lit. Ouais. Je le garde pas à côté de moi du tout. Là. Faudrait que je fasse C'est ça l'objectif, en fait. Faudrait que je fasse ça aussi. J'ai peut-être pas de besoin. Là. Ça fait juste de flasher des scènes. Genre. Ben ouais, c'est bien laid, man. C'est bien con. Puis ils vendent ça 130$ canadiens. Là. Ah ben, c'est ça. Je pense que c'est un club Nintendo exclusif. Bruno l'a acheté. Là, ah oui, il l'a dit? Il me semble que oui. Je serais pas sûr. Il me semble qu'il a sorti, puis Bruno a fait comme bye, puis il a juste posté qu'il l'avait acheté. Là. Encore une cochonnerie, esti. Que Bruno achète. Ben, Nintendo. C'est Nintendo. Écoute. Mais c'est tellement off comme chouette d'affaire à sortir, me semble. Ouais, c'est très étrange. Faites donc un nouveau Punch-Out à la place, tu sais. C'est quoi, là? Ouais. On dirait qu'il y a un gros bouton blanc sur le dessus. On dirait que tu peux te taper dessus le bouton, tu sais, pour qu'il arrête de faire du bruit. Puis qui c'est qui se réveille heureux de même? C'est de la bullshit. Tu sais, qui dort les rideaux ouverts avec genre. De même. Exact. Oh, ouais. Ça, c'est quoi? Ça t'envoie-tu des vitamines D? Ça t'envoie des ondes okay. Nintendo. Des ondes Nintendo. Ouais, ça moniteur, on dirait, tes affaires. Ça check-tu ton sommeil? Ça te réveille sur des musiques de Mario et plus tu bouges, t'as des sons de pièces de Mario. Par exemple, ta gosse pour les collectionneurs. OK, fait que plus tu te réveilles, plus ça ramasse des scènes, genre, c'est quoi? Ah, OK. Quand tu bouges, t'as des sons de pièces de Mario. Le piton blanc, il flash en haut. C'est un cossin Nintendo. Ah, man. Ah, je veux pas ça. Pas besoin de ça. Je veux même pas savoir c'est quoi. Mais j'aimerais ça en pogner une talle, genre une vingtaine, puis qu'on ait ça en vente. Plein d'alarmes, là, mais tu sais, Ah, mon alarme de Splatoon 3. Je suis déjà tanné, là. Ring Fit Adventure. C'est comme un cadran pour les enfants, mais fait pour les adultes, pour Mario, là. Ouais. On n'est pas d'accord. On dit non. Sauf Bruno, il dit oui. Olivier Poulain, avez-vous déjà lu des romans de la série Worlds of Power, basés des jeux du NES, Mega Man, Castlevania, Blaster Master, etc.? Si oui, qu'en pensez-vous? Tu es capable de mettre à l'écran ça? C'est quoi le titre? Worlds of Power Books. T'as rien qu'à écrire ça, ça devrait... King Nadera dans le chat qui dit « Mario vient te réveiller avec sa moustache ». Clique donc dessus encore. C'est l'avoir plus gros. Worlds of Power. OK, c'est des vieux livres, là. C'est des Solus, comme on dit. C'est des Scholastic. Ah non, c'est un novel. Fait que c'est des fanfictions basées sur des jeux vidéo. C'est donc bien cool, ça. C'est donc bien malade. Chris, celui d'Infiltrator doit être plate en esti. Aïe, aïe. Booked by FX9. Ouais. OK, fait qu'ils pognent le jeu puis ils font un livre là-dessus. Fait que c'est des livres pour enfants dans l'époque de Scholastic. Hey, Simon's Quest, tu sais. Hey, man. Il n'y a pas Dracula en arrière. D'après moi, D&D avait... Il n'y avait pas les droits. Il n'y avait pas les droits à cause de D&D. Metal Gear. Eh bien, on apprend quelque chose, cher Olivier. Je connaissais pas ça du tout. Ça aurait pu être nice si c'était des genres de livres dont vous êtes le héros, mais... Je connaissais pas ça du tout. Non, moi non plus. Intéressant. Je sais pas si ça vaut de quoi. C'est cool. Ça pourrait en faire boutique. Ben, si jamais on tombe là-dessus, certainement que je vais prêter attention. Dave Boudreau nous demandait aussi ce qu'on pensait de Alarmo. Donc, voilà. On dit non. Félix Baudouin Duval. Baudouin. FBD. Comme la Fédération des Beaux Dominique. Avez-vous essayé de Messenger avec les textes en québécois? C'est tellement bon et ils remettent ça avec Sea of Stars le 12 novembre prochain. Ce serait un bon RPG old school à critiquer pour Papa Cassette. T'as-tu joué, toi, à Messenger? J'ai pas joué Messenger. Je me rappelle les critiques, mais je ne l'ai pas joué, celui-là. Ouais, moi, j'ai capoté bien raide. J'ai adoré ça et je n'ai joué que en québécois, en fait, parce que j'ai attendu la version physique et puis elle était disponible lorsque je l'ai eu. Alors, oui, puis ce qu'ils font, pour ceux qui ne savent pas, Sabotage à Québec, leur version québécoise sont pleines de références du lore québécois. Et puis, c'est-tu là-dedans qu'ils disent, genre, attends que je compte ça à Nathalie, puis des affaires comme ça, là? Ah ouais, tout ça, ouais, là. Toutes des jokes, là, des memes, des affaires de l'actualité qu'on rit, Kevin, toutes les affaires de YouTube, tout ça. Ils crissent ça dans le jeu, man. C'est tellement drôle, là. Y a-tu les corps de festival, des gens? Ça, je pense pas. On dirait qu'il y a juste nous autres, ça. Écurzie. Une salle avec nous autres écurzie. Fait que moi, j'ai joué avec le québécois de ça. J'ai trouvé ça tordant. Puis j'ai adoré le jeu. J'ai adoré la traduction en québécois. C'était très hot. Et puis, j'ai pas joué à Sea of Stars. Puis tout le monde attend la version québécoise Sea of Stars. Je sais que les gars de Sabotage, c'est long parce que c'est un gars tout seul qui fait ça là-bas. Okay. Puis c'est de l'ouvrage en mots tadis. Mais je savais pas que ça venait le 12 novembre prochain. Alors, tant mieux. J'étais en train de me dire que ça allait être cancellé, cette version-là. Mais des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Puis, pour vrai, pour faire jamais de RPG, je me dis, ça devrait être lui que je ferais. Là, faudrait bien. RPG québécois. Là. Ouais. Tiens, dans le chat, King Nadera qui te demande, Jeff. Je vais aller à Silent Hill 2. Non, j'ai même pas vu ça passer. Ah, ben, c'est sorti hier. Un remake de Silent Hill 2. Non, j'ai pas vu ça passer. OK. Ben, c'est pas en VR ni rien. Non, ben, j'ai bien aimé Silent Hill, les anciens, là, les premiers j'avais joué, là, mais ça fait longtemps de ça. Là. On a commandé une petite batch, puis ça s'est vendu tout de suite, fait qu'on a recommandé ici, puis c'est un très beau succès. C'est un très, très beau remake à ce qui paraît. Donc, si vous aimez la série Silent Hill, puis je pense que le 2 est un remake. Et puis, je pense que le 2 est un fan favorite, alors c'est très bon. Allez-y. On en a chez Retro Montréal. Jérôme Trachy. Je sais que vous avez sûrement pas la réponse, mais avez-vous des idées pourquoi le seul Castlevania pas en collection sur Switch, c'est Symphony of the Night? J'ai pas la réponse de ça. T'as pas la réponse de ça? Ben, il y a eu une collection, entre guillemets, avec Rondo of Blood et Symphony of the Night, mais sur PS4 seulement. OK. Puis c'est. Ils ont donné un nom encore, là, j'ai oublié. Tu sais, les noms compliqués de Castlevania, là. Fait que j'ai ça chez nous dans ma collection, mais j'ai pas joué à Symphony of the Night depuis. Non, je sais pas pourquoi. C'est le seul qui n'a pas replogué sur rien. Au PSP, il y avait aussi la collection, la même affaire, Dracula X Chronicles, je pense que ça s'appelait. Ouais. Où est-ce qu'il y avait les deux? Ah, c'est Requiem dans le chat. Merci, Hidalgo Kane. Castlevania Requiem. Donc, excellente chose à se procurer, ça, comme les deux meilleurs Castlevania. Pas mal, là. Si on... fait que non, on n'a pas la réponse. Et puis, pourquoi pas Symphony of the Night sur Switch? Ça le ferait. Ben oui. En portable, en plus. Ça serait plaisant. Fait que voilà. Kato 4. Console Nintendo 64. Est-ce que je peux nettoyer moi-même les contacts avec quoi? Merci. Les contacts dans la Sony 4, genre? Oh, ben, là où tu rentres la cassette, oh, là, ouais. I guess. Ben, dans le slot. Là. Ouais, dans le slot. Ben, il existait à l'époque des cartouches nettoyantes. Fait qu'à la place d'avoir un board de jeu, c'était un petit pad raide là, que tu rentres, puis là, ça frotte les contacts. Fait que tu rentres, tu sors, puis c'est ça que ça fait. On en a... Ouais, puis ça existe encore aujourd'hui, en fait. Ça, je l'avais chez nous, ça, je me rappelle. Un cleaning kit, exact. Voyons comment j'ai fait pour oublier ça. Fait que tu vois, le cleaning kit de la 64, il y avait même... Oui, il y avait même celui pour le trou dans la manette, là. Ah, ben oui. Voilà. Fait que t'achetais ça, puis tu nettoyais tes slots. Puis oui, on en a vendu des one-up comme ça, third party, ça, pour la NES. Ben en fait, ceux-là que tu vois dans le bas, des petits rectangles genre, ça, là, hein? À deux bouts. C'est bon pour tout ce qui est fente de jeu, de console à cassette. Donc ça ferait aussi pour la Jaguar, mon cher ami. Bon. Donc voilà, tu t'achètes ça et puis tu frottes. Mais sinon, moi, je suis bien cowboy et puis comme je prenais un Q-tip, puis très imbibé d'alcool à friction, puis je frottais un peu. Mais faut faire attention parce que les pins, c'est un peu pointu, puis ça laisse du petit miouf Q-tip dans les cracks. Fait que tu l'enlèves. Mais certainement que tu devrais prendre ça 4-4. Cleaning kit pour tous vos besoins en nettoyage de fente. Exactement. Le One-Up Card de Cleaning Kit One-Up Card. Check ça. C'est des peanuts, là. Ça coûte pas cher. Il y a ça partout sur Amazon. Tout ça. On devrait en recommander ici chez Retro Montréal. C'est à la caisse, là. On laissait ça à la caisse puis on en vendait. Fait que voilà. Voilà. Nettoyez vos fentes. Très important. Puis nettoyez aussi vos cassettes avec Q-tip et alcool à friction. Nettoyez les boards. Antonin Fréchette. Top 5 de vos bières de dépanneur. Aussi voir. Là, par bière de dépanneur, il veut dire des bières de macro, là, j'imagine. Ouais, la Molson X, tout ça. Là. La Molson Kick, puis ces affaires-là. La Molson Dry. T'as juste des Molson maintenant. Moi, Heineken, beaucoup. Ah oui, c'est vrai, on a le droit de dire ça. Bière de soif, là. Ouais. C'est mon go-to, c'est de Heineken, normalement, là. Ouais. Sinon. La Miller Genuine Draft. Oui. Elle est excellente. Moi, je l'aime bien. J'haïs pas la 50, la bas de 50. Ouais, c'est tout à bon, une bonne 50. La Molson canadienne, je l'aime bien aussi. Là. Je pense que c'est l'équivalent de la Laurentide, ça, que le monde disait à un moment donné. Les Corona canadiennes, là. Ouais, les moussettes. Les moussettes, ça fait la job. Mais pour vrai, moi, j'en ai bu à un moment donné, je buvais ça, là, étudiant, puis ça s'est mis à m'écœurer. Ah, ouais. Puis la botte aussi. Slimane, ouais, c'est bon. Ah, si Slimane rentre là-dedans, certainement. J'aimais bien les Honey Brown à une certaine époque, les Clear aussi. Ouais. Ça fait la job quand tu veux pas trop, quand tu veux rester léger. Parfait pour le WEG, ça, en après-midi. Ouais. Absolument. Sinon, les Modelo. grand succès à la soirée du podcast. Black Label ou rien. Wow. Carlsberg, moi j'aime bien. J'aime bien ça. Ça, Carlsberg, ouais. Dans les bières moufettes, là. une joke dans RBO. Là. Ah ouais. Carlsberg, Carlsberg légère. Genre, quand ils font genre génie en herbe, me semble. Parce que j'ai comme un flash de Carlsberg. C'est ça. Des sortes de bières. Hey, de la Wildcat. Et moi, je buvais ça pour me saouler à l'époque, des grosses bières de même. La Molson Grand Nord. Ouais, je me rappelle de ça quand j'étais au secondaire. Ça a duré un an, là, un an ou deux. Là. Dans les débuts. C'était Gildor Roy ou Roland Y.A. Tremblay qui l'annonçait. Voyons, c'est quoi son nom? À Roland Y.A. Tremblay. Michel Barrette. Qui faisait les pubs du Molson Grand Nord. Ouais, la Molson Larousse, là. La Larousse. C'était la poune, ça, me semble. De la Cold 45, exact. Il y avait ça, là. Mais c'était dégueulasse. Ces bières-là, ça goûte le sucre, là. Atroce, là, tu sais. Fil d'or, que Domaine, il dit, ça... La bras d'or, qu'on dit. Ça, c'est... Fil d'or. C'était Gildor Roy qui l'a dit. Bras d'or, toi, bras d'or. Ouais, la bras d'or, ça. On n'a jamais goûté à ça. On a juste vu des pubs, là. Mais... Ah, j'ai jamais goûté à ça, en effet. Mais la Grand Nord, oui, mais qu'est-ce que ça goûtait, man? J'en ai aucune fucking idée. Fait que, mais sinon, tu sais, Bud, Molson X, pas tant, tu sais. S'il faut que j'achète des affaires de même, je vais essayer autre chose. Puis moi, je veux rien savoir de la Michelob Ultra puis de la Coors Light. Ah, Coors Light, ça goûte de l'eau. Là. Ces affaires-là, c'est que de l'eau, là, tu sais. J'ai bien de la misère avec ça. Et puis, ouais, Simon dit dans le chat, la Molson M, ça, c'était classique. Les microbules, man, les microbules! Les microbules. Nick Chalifou, il boit ça au podcast, la Michelob. Ah ouais, hein? Ah non, c'est ça. Ben, je le comprends, il veut rester... Il conduit, puis il veut rester. Il s'entraîne, il veut pas de bedaine, là, tu sais. Ouais, on a fait beaucoup de gags sur le fait qu'il y avait des gros guns à l'écran quand il était là. Il était assis de même, puis il y avait les gros bras sur le bar. Il va éclater. Ça a bien impressionné M. Neveu, là. mais s'il fallait que je slack la bière, tu sais, ça serait comme ma désintox, la Michelob, ces affaires-là, tu sais. La Milwaukee's Best Dry, esti. Que Nick Nadera, il dit dans le chat. Mais moi, j'aimais bien la Old Milwaukee. À mon époque pauvre, là, mix, c'était une Bull Max ou bien une Saint-Hydès. Ça, c'était cool parce que c'est la bière du Wu-Tang. Et puis, une Saint-Hydès puis une grosse bouteille de Old Milwaukee, c'était mon duo, ça, avant de sortir quand j'avais 15 ans. Te faire un fond. Me faire un bon fond pour pas que ça coûte trop cher dans le bar. Mais Wildcat, tout ça, c'est pas bon, man. C'est dégueulasse, là. Quand l'arcade a commencé, ouais, c'est pas tant bien le dépanneur. Moi, j'étais très Garden, piscine de Garden chez Arcade Montréal. Ah, moi, j'adore ça. Les hosties de gros verres avec le orange dedans. Là. Mais ça demeure. La Garden, ça demeure c'est une bonne bière. Ouais. Je trouve que la... Une dose de boomerang. Oh my God. Ah ouais, des boomerangs puis les tornades. Malade, les tornades, les boomerangs. Les Smirnoff Ice aussi. Ah, là. Ces affaires-là. Hein, ah, j'y buvais juste ça avant puis je ne boirais plus ça maintenant. Là. Ah non. Il y a une époque où j'avais, je buvais pas de bière. J'étais pas capable de boire la bière. J'haïssais le goût. Mais c'est la pas la boomerang, là, mais... Que... La tornade. Non, ah, la Smirnoff Ice. La Smirnoff que j'ai fait passer à la bière. Je me suis tellement saoulé à Smirnoff que j'ai fait « Ah, c'est assez, là. Ça va être la bière maintenant, là. » Ah oui. Hein. J'ai développé le goût de la bière par après, là. Il y a eu Boris un moment donné qui s'est mis à se lancer dans ces petites bières-là. Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais pour une agence qui faisait le marketing de Boris. Fait qu'on en avait plein à l'agence tout le temps, plein. Fait que nos parties de bureau, on buvait ça. Puis, man, c'était... Des je l'appréciais, rêves. C'était gratis, tu sais, mais... Un bon rêve. Ah oui, ça, c'est juste du poison. Les Smirnoff Ice. Année, j'avais lu, je faisais de la lutte, je luttais au Fouf électrique, puis j'avais gagné, puis je m'étais saoulé à Smirnoff Ice, là. Ah, ouais. J'avais vomi sur le pont Champlain pendant les travaux. Ouais. C'était magique, là. Ça a fini là, je pense, en fait, la Smirnoff Ice. Je pensais ta carrière de lutte. Aussi, là, ben, c'est ça à la fin, là. Fait qu'Antonin, on t'a pas vraiment fait un top. Ouais, King Nadera, de la Boris Cool, c'était ça. Puis il y en avait plusieurs saveurs. La Molson High Dry. Ah, man. Ben, là, on n'est pas en train de faire un top. On est juste en train de nommer toutes les bières de marde qui existent au Québec. Mais la Molson Dry, ça existe encore, ça. Ouais, ouais. Ça existe. Ils l'ont gardé. Ça existe encore. Okay. Mais pourquoi boire ça? Ouais, c'est sûr. Je sais pas un pot, là. On n'est pas pauvre à ce point-là. Non. Non, on n'a plus besoin de boire les ça. Les terres sont pas si dures, là. Stéphane Talbot, par rapport à vos capacités culinaires, quelle est votre spécialité que vous aimez concocter? Et Christ. Ben, toi, JF, tu cuisines énormément. Ben, je fais plus cuire que de la cuisine. Ouais, tu fais cuire des affaires de façon professionnelle. Ben, moi, je pars le feu puis je mets du stock à côté. Là, c'est pas mal ça. Là. Ouais. Ben, je cuisine aussi, là, genre dans la vie. Là. Moi, j'ai pas de recette non plus. Moi, je fais cuire des affaires. Tu sais, je fais des pâtes. Je fais des. Je fais cuire des saucisses. Je fais cuire du riz. Ben, moi, je fais ma sauce. Je fais des légumes. Ouais, là. Je fais ma sauce. J'espère que je mets ça dans les pots de maçon sous vide. Là. Ouais. Ah, ben, c'est beau. Je suis ce gars-là. Ouais, ben, moi, j'ai une blonde qui fait beaucoup ça. Moi, je suis seul. Fait que, tu sais, si j'étais tout seul. Mais avant, c'était moi qui faisais ça aussi, pareil. Ah, ben, ok, d'accord. J'étais le gars de bouffe tout le temps. Là. Fait que c'est... Ah, ouais, c'est ça. Ben, pas moi. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai rencontré ma blonde, ça fait très longtemps. Tu sais, fait qu'on a commencé à sortir ensemble, puis je finissais. À l'université, tu sais, puis moi je mangeais pas mal, mais je mangeais pas, tu sais, je mangeais pas des pogos, là, donc j'ai pas les moyens, mais je mangeais tout le temps du riz, du steak haché. C'est tellement cher les pogos, là. Ben oui, du riz, du steak cheap, du poulet, du riz, tu sais, c'était tout le temps, du couscous, du riz, Couscous au riz, non, c'est ça, fait que c'était très, très, très de base, mes affaires. Fait que là, quand j'ai commencé à sortir, elle cuisine beaucoup, fait que tu sais, comme elle a comme pris le lead naturel là-dedans, puis là, elle était curée, mais en même temps, c'est elle qui a les skills, mais bref, fait que je cuisine pas, j'ai pas de recette, là, j'ai pas de recette. J'ai pas d'affaires que mes enfants sont, oh papa, il va-tu faire son fameux ragoût de boulette, ou je sais pas quoi, non, j'ai rien. J'en ai, là, genre, d'avoir essayé de payer les recettes, j'en ai que j'ai gardé, que je fais, là, mettons, là, mais... Rien de bien funky, là, ou de... Je ferais pas un bœuf Wellington, mettons, là. C'est la patience. C'est dégueulasse. Non, c'est super bon, là. Surtout celui de Gordon Ramsay, c'est excellent. Là, mais... Ah, ouais, c'est on ça. On me demande si j'ai déjà fait fumer du ballonné. Non, mais c'est dans mes plans de faire ça, de fumer une rondelle de ballonné. T'en avais parlé, je pense, au dernier épisode, hein. Faire fumer de la Bologne. Ah, c'est-tu malade. En fait, je voudrais faire ma propre Bologne. Ça, c'est un... Ça va te prendre des animaux morts. Mais dans mon aventure de fumeur de viande, je suis rendu à faire de la charcuterie, mais là, c'est parce que ça me prendrait. Un frigidaire dans mon cabanon qui sert juste à ça, que je peux contrôler l'humidité et tout, puis c'est un peu compliqué. Là. C'est quand même du temps puis de l'apprentissage que j'ai pas pour l'instant. Mm. Mais je pourrais faire du pepperoni, je pourrais faire des affaires comme ça. J'aimerais ça le faire, là. Colin, JF, tu m'inspires. Zéro, ça serait cool. Ah ouais, non, c'est... Écoute, je vais être ton apprenti, hostie, quand on va être vieux puis qu'on lâche tout ça. Quand on sera aux résidences Arcade Soleil, que les murs seront pleins de full set. Pis Nos rideaux de douche en Game Boy. Là. Le ballonné va être le fumé, mon gars. Ça va sentir le ballonné fumé à grandeur dans les trappes de ventilation. Là. Petite fiume de fumée de ballonné. C'est-tu que j'ai hâte de mourir là? On va mourir là, c'est sûr. Steph Coutts, est-ce que collectionner s'est rendu plus difficile de trouver du beau stock abordable? C'est une question très large, t'sais, difficile du beau stock abordable. J'imagine de plus en plus parce que. In the wild, ouais, difficile, là, à moins d'être dans un magasin comme vous autres. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde connaît la. T'sais, je veux dire, c'est pas. Le monde, il chasse les jeux là, à cette heure-là. Fait que les ventes de garage, tout ça, là, c'est plus des secrets. Fait que on pourrait dire que oui, en effet. Ouais, l'Eldorado du rétro gaming a passé là, pour tout trouver rapidement dans les ventes de garage. Là. Exact. Trouver des bons deals faciles régulièrement puis monter ta collection de cette façon-là, c'est beaucoup plus long que ce l'était. Là. Ronnie RTC Terreau. J'aimerais. J'ai pas d'inspiration pour RTC. Roturier, toiture, roturier. Coderre. Donc, Ronnie nous demande « J'aimerais savoir quel était le dernier RPG que vous avez joué et si vous auriez plus de temps, dans quel seriez-vous vous lanceriez? » Ben moi, je me lancerais dans Sea of Stars. Puis le dernier que j'ai joué, c'est que j'ai... au Game Boy, Final Fantasy Adventure. Ah. Ça compte, ça. C'est un RPG. Puis Crystalis au NES. Action RPG, quand même très RPG. J'ai eu beaucoup de plaisir à ça. Mais les plus longs, de longue envergure, ça date du PS1, puis c'était Legend of the Dragoon, en ce qui me concerne, que j'ai adoré. Moi, ça serait Hogwarts Legacy, probablement le plus récent que j'ai joué. Ah, ça, RPG, ça? Ouais, c'est RPG-esque, là. RPG aventure, ouais. Ça... Sinon, Dragon Age 3, ben, ça fait un méchant bout, puis j'ai pas fait long feu là-dedans, j'avais pas assez de temps, là. Ouais. Mais j'avais bien aimé ça quand même, parce que j'avais joué, sinon... Baldur's Gate, là, ça remonte au PC là, 20 ans, 30 ans, je sais pas trop. Là. Ouais. Dans le temps que j'avais du temps de jouer des RPG, là, mais c'est un autre style que j'aime, mais que j'ai pas le temps de jouer par doute. Là. Exact. Je sais que si je m'investis là-dedans, je vais jouer à rien d'autre que ça, puis je peux pas me permettre ça. Là. Non, parce qu'il faut que tu fasses des c'est critiques ça, de NHL. Moi, payé à la critique, là, ici. Là. Rémi Chabot qui nous demande aussi qu'est-ce qu'on pense du nouveau cadran de Nintendo. C'est non. Octopath Traveler, ah ouais, c'est vrai, je l'avais pas joué, mais il m'intéressait, mais j'avais pas pris le temps de le faire. Hey, ben, ça a l'air d'être une affaire de. De la plus finir, ça. D'ailleurs, il y a un nouveau Persona qui sort vendredi, ouais. Si jamais ça t'intéresse de non. Pas finir une affaire. Je n'aurai pas le temps. Ça mène trop long. Rémi Daou, pour ou contre la levée des héroïnes dans les jeux vidéo? Zelda, Princess Peach, etc. Ben oui, pourquoi ça compte ça? Pourquoi être contre ça? En effet, ça en prend. Ça fait des beaux modèles pour les jeunes. Là. C'est mieux ça que Princess Peach qui t'attaque avec ses émotions. Là. C'est... Exact. Ben déjà ça, c'est un effort, mais c'était maladroit. C'était mais... un premier pas dans la bonne direction. Là. Exact, mais pas juste une damsel in distress. Là, Il y a quelqu'un qui parle de WrestleQuest, un RPG de lutte, mais j'ai eu des mauvaises critiques de ce jeu-là. Moi, j'ai Illy qui a joué et qui m'a dit que c'était vraiment pas bon, fait C'est un jeu sur PC. Là, c'est récent? C'est très récent, c'est cette année, je pense. Là, OK. Que j'ai pas joué à cause des commentaires de Illy, mais je suis un peu douteux de ce que Illy me dit comme commentaire. Il aime pas les mêmes affaires que tout le monde, lui, fait que ça dépend. Là. Ouais, c'est ça. Mais après ça, je suis allé voir sur Steam, puis il y avait pas des bonnes critiques non plus, c'était très mitigé. Fait. Si tout le monde rabais, peut-être m'en l'essayer maintenant. Ça parle de la lutte, ça m'intéresse. Là. Écoute, ça serait intéressant. Je savais pas que ça existait. Puis pour revenir aux héroïnes, on a vu, si on bounce dans le hockey, l'entraîneur adjointe. Coach adjointe du Kraken. Fait que là, ce qui est dégueulasse de ça, c'est quand, bien sûr, les channels de sport annoncent ça. Puis là, tu vas lire les commentaires. Je veux même pas aller lire ça. Si tu veux voir, man, la déchéance. C'est fait pour les hommes, puis sûrement. Ben oui, en gros, elle connaît rien, elle a jamais rien gagné. C'est juste, c'est du placement, rien que pour faire beau, tata. Tu sais, c'est comme à la lutte, là, les filles étaient traînées dans marde. Après ça, que des objets sexuels, que ça. C'était dégueulasse. Il y a eu des époques très, très. Et puis là, encore très sexuel, je trouve. Mais ils sont forts, tu sais, comme ils ont. C'est leurs affaires. C'est plus très sexuel, là. C'est plus batteur entre femmes. Là, que ouais. Ils sont encore habillés très sexy. Là, ben, c'est ça que je voulais dire, en fait. Mais ils sont pas exposés comme des objets de désir. Ah non, là, pas comme, du tout. Comme étaient, genre, Sable, genre, puis ces affaires-là, puis Sony, puis ces affaires. C'est ça. Puis il y a la Ligue de hockey féminine, aussi, qui est excellente. Tout le monde encense ces affaires-là. Fait que ça prend des femmes. Ça prend des femmes au pouvoir. Tabarnak, c'est là que je m'en allais aussi. Là. Ça prend tellement des femmes au pouvoir. Kamala Harris, s'il vous plaît, faut qu'elle passe. Là. Ben oui, ça en même temps, il y a un danger de l'autre côté. Si bon. Hein. Mais oui, ça prend ça. Ça fait peur. Vive les femmes. Ben oui. Mais on parlait de lutte. As-tu écouté Mr. McMahon, le non. documentaire sur Netflix? J'ai vu des extraits, j'ai pas écouté encore. Oh man, je l'ai fini hier. Sauf que je pense c'est tellement que je sais 95% des affaires. Fait, mais je vais le préparer. Oui, mais tu sais, non, c'est hot, man. Ah, j'ai capoté bien raide. Faut que je me repogne Netflix, c'est juste pour ça. Puis parce que la lutte s'en vient en, oui. sur Netflix en janvier. Là. Exact. Jean-François Joly nous demande « Merci pour ma copie. De... » Ça, c'est le gars qui voulait beaucoup contrat et ah, qui me poquait pour savoir sur lui. T'as dit qu'il poquait, ouais. Exact. Fait que, « Merci pour ma copie de contrat Opération Galuda Switch. Il plante toujours en mode arcade. Mais je suis content de me l'être procuré chez RetroMTL. » Ben merci Jean-François de ton achat. C'est très apprécié. C'est pas de ma faute s'il plante, par contre. Mais c'est bizarre. Fait qu'il va peut-être avoir une patch pour régler ça. Ben, là, oui. Je sais pas. Ouais, Kina Dera qui parle qu'il a vendu son char sur Marketplace il y a 3 semaines. Ah, il a dealé sur Marketplace. Ouais, c'est, les gens sont mauvais, oui. Oui, le monde Marketplace. Toujours Marketplace, c'est un enfer. Serge Saint-Hilaire, salut à vous deux. Auriez-vous des conseils en économie pour quelqu'un qui est pourri en économie? Ah, sacrément. Je sais que c'est une question de type large. Ça pourrait être juste des conseils suite à vos expériences personnelles, des musts, les erreurs à ne pas faire. Merci, félicitations, votre beau programme. Fais un budget. C'est drôle, ça, comme question. Fais un J'aime budget ça. Pour commencer, là. C'est important, je pense, d'avoir un budget dans la vie, savoir ton argent va où. Là. J'ai jamais eu de budget. Non! T'es bon, parce que moi je me mettais dans la merde en faisant pas de budget. Là. Ouais? Ben, moi, je regarde mon compte, là, puis... ben, même pas tant. Moi, je fais juste ouvrir, accéder, puis là, je suis comme... Ouais. Je suis un peu niaiseux, moi, c'est parce que comme... Je m'endette, puis là, je paye mes dettes de crédit, là, puis là, après ça, je suis comme... Hey, j'ai de l'argent, je me rendette. Puis je repaye mes dettes de crédit, puis là, faut que j'arrête de faire ça, là. Ouais. C'est mauvais, parce que tu payes l'intérêt pendant longtemps pour rien, là. Mm-hmm. Mais j'ai lu quelque chose d'intéressant dans la presse, un article de la presse dernièrement qui disait que, mettons, le nouveau téléphone d'iPhone, le nouveau iPhone, ouais. il vaut pas 500$, là, il vaut 200 000$. Puis là, il t'explique, ben voilà, si aujourd'hui, toi puis moi, on décide d'acheter un nouveau téléphone, tu achètes le nouveau téléphone d'Apple à toutes les 2 ans, puis tu loues. Tu sais, toute ta vie. Ouais, ouais. Tu peux, toute ta vie pour avoir ce téléphone-là, tu payes 150$ par mois, tu sais. Tandis que moi, j'achète un refurbish, genre, un iPhone 14, whatever, que je le paye 300$, je fais mes paiements, puis je le toffe, puis je prends la différence et je le place. Donc, la différence entre les deux, jusqu'à 60 ans, avec les montants que j'ai pas par cœur, ben ça fait 200 000, tu sais. Mais c'est tout très théorique. C'est comme à te louer un char par rapport à acheter un usager aussi. À un moment donné, c'est comme ça devient un investissement de utilitaire là aussi là, comme que c'est comme payer un bill de tu peux le classer comme étant un bill d'hydro de ben moi je suis pas d'accord parce que le bill d'hydro tu peux pas acheter hydro à moins que tu décides de faire ta propre électricité. Ouais, mais sinon tu peux t'acheter un char puis finir de le payer. Oui, mais en contrepartie, si tu fais ça puis il brise, t'es pogné avec. Si tu as une location que tu le changes régulièrement, il brisera pas ton char en général, tu sais. Fait ouais, mais tu t'achètes genre comme un peu la paix d'esprit là, avec ça là. Oui. Mais c'est de l'argent que tu gaspilles. Oui, oui. Mais tu peux acheter un bon char qui va pas briser. Ouais, mais quand tu vas avoir fini de le payer. Le cash pour l'acheter direct, sinon tu t'endettes pour l'acheter, c'est pas mieux là, tu sais. Non, mais mettons, on un a le même à budget, 000, OK. Mettons à 10 000 là, un char là. Ben là, un char usagé à 10 000, tu parles. Oui. Non, mais moi je te parle d'acheter un char neuf au concessionnaire. Ah, non, mais ça non. Là. Mais t'achètes le char neuf, tu loues toute ta vie des chars ou t'achètes des neufs. Puis quand tu finis de les payer, ben c'est là que t'es tough. Ouais, là, ouais. Si t'as acheté un char américain, ben tu vas payer des réparations tout le temps, puis tu vas peut-être pas si rentable. Mais tu achètes une bonne voiture. C'est ça, un Toyota, il va te tu vas avoir un 5 ans, mettons, avec des petites réparations qui vont être beaucoup moindres que ton paiement, puis il y a une bonne valeur de revente, puis ça, c'est intelligent. Mais t'achètes un char, tu sors du garage, il a perdu la moitié de la valeur déjà. Fait. Exact. Oui, en effet. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu achètes un char neuf de l'année d'avant. Ouais. Parce ouais. qu'ils en ont toujours. Ouais, ouais. Puis moi, c'est ce que j'ai fait avec mon téléphone ici, qui est très bon pour prendre des questions du public. Le 15 est sorti, j'ai acheté un 14. Fait que, puis je l'ai payé one shot. J'ai payé. Oh, je l'avais. C'est une bonne méthode. Le 300 quelques piastres. J'ai acheté ça, puis j'ai pas de paiement, puis c'est réglé. T'sais. Fait que faites ça. Puis, puis je le fais avec mes enfants. Mon plus jeune, il travaille présentement. Mon plus vieux travaille présentement. Il a sa petite paye de salaire minimum, là, tu sais. Puis il fait son petit argent. Fait que là, j'ai dit, regarde. Là, t'as 2500$ dans ton compte, OK, présentement. T'as pas de dépenses. Tu vis ici. Tu t'achètes des Doritos, là, tu t'achètes des affaires sur FIFA à 30$, whatever. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Par contre, on va prendre 2100$, puis on va te faire un compte. On va te faire un compte épargne immédiatement. Ouais, ouais. Puis on va te faire des virements automatiques dans ce compte-là de ton compte chèque de 100$ par mois. Puis ça paye, c'est mettons 200$ par mois. Je dis, tu es à l'aise avec 100$, t'en places 100, tandis que. Fait que si jamais il est insatisfait de son argent, tu sais, qu'il en aurait besoin de plus, ben, on va revoir. Mais sinon, son argent se pile tout seul. Lui, il fait rien. C'est ce que j'aurais dû faire quand j'étais jeune aussi. Là, moi, quand j'ai fait ça, sortant de l'université, j'étais au salaire minimum, puis j'étais cassé, fallait que je rembourse mes dettes, mais j'avais un petit virement tout seul. Hey, magique, invisible, tu t'en rends pas compte. Je l'ai fait en ce moment, mais j'aurais dû le faire quand j'ai commencé à travailler. Là, exact. Faites ça. Virez de l'argent dans un CELI ou dans un compte épargne automatiquement. Voyez-le même pas passer. À votre paye, virement direct. Là. Exact. C'est ce que je fais moi aussi. Là. Exact. C'est pas toi qui le fais. Il se fait automatiquement. Programme ça. Oh, oui. Puis avec les années, Chris, moi, j'ai pu avoir 25 000 $ pour acheter, faire un cash down, acheter ma première maison. Puis ma première maison, ma famille a vécu dedans pendant 7 ans. On l'a vendu. On a reçu 200 000 $ qui est un levier pour acheter notre complexe. Ben, moi, je suis pas riche. Là. Je fais pas des grosses payes. Je n'ai jamais fait. Ton meilleur levier financier, c'est ton revenu. Fait que faut-tu faire attention avec comment tu places ton cash que tu reçois. Là, exactement. Fait que si, comme tu dis, si tu le donnes genre en délocation à tout le monde, mais tu l'as plus ton revenu. Là, non, c'est ça. Si tu le donnes à Apple, c'est eux autres qui l'ont. Ça, c'est pareil comme Dave Ramsey sur Internet, le gars qui explique comment sortir des dettes. Ouais. Ben, c'est ça. C'est pas intéressant. C'est exactement ça. Puis attention, tu sais, mettons, moi, là, tantôt, je dépense 100$. Tu sais, moi, j'ai 44. Là. J'ai des placements, pas des gros, mais j'ai mes affaires, tu sais. Mais 100$, tu sais, je veux mes employés, mettons, qui mangent pour 100$ de McDo par mois. Ah oh ouais? À 22 ans. Puis c'est comme, guys, tu sais, fais-toi un lunch. Ouais. Puis là, c'est comme, j'ai l'air de... Du vieux gratteur, là. Du vieux chialeux, là, de Martineau, là, qui est fait, hey, les étudiants, ça boit de la sangria, ils sont bien. Mais Chris, ils n'ont pas tout à fait tort. Ça coûte quelque chose, ces affaires-là. Fais-toi des lunchs, tu sais. Ah ouais. Non seulement c'est pas bon pour ta santé, puis t'as pas le power pour l'après-midi, puis tu ne donnes pas du bon rendement. C'est une chose. Mais là, je veux pas... Je suis pas en train de placer, mais tout le monde en général, check ça, man. Check ton resto. Allez pas chez Starbucks à 8$ avec votre café plein de sucre, là. C'est comme, ça donne si ta job fournit le café, prends le café de la job. Stie, même si c'est du fucking nabob, habitue-toi à boire du nabob. Puis pile ton argent de café. Si t'es jeune, t'sais, ces moves-là. 50$ à 20 ans, man. C'est, ça va loin. C'est de l'argent, man, pilé longtemps. Moi, j'ai ouvert mon REE pour mon fils. Là. Ah oui. Il y avait un an et quelques quand je l'ai commencé, ou même 2 ans. Il était à quasiment 2000, puis je mets 50$ par paye. Ah ben oui. Ça monte tout seul. Là. Les REE, là, c'est le meilleur placement que tu peux faire. Puis il y en a qui arrive à l'école et va dire « Ah, je ne voudrais pas à l'université finalement, je vais être un saltimbanque. » Je vais faire « Ah, ben cool, voici cet argent dans mes poches, c'est à moi. » Ben moi, j'arrive là. Ouais, ouais. Mon plus vieux, il finit, c'est sa dernière année de secondaire. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il y a beaucoup d'argent de côté. Là. Fait que... Mais moi, je dirais pas. Il y en a pour son jeune frère aussi. Ben là, si on peut dire « Oui, je veux ça pour m'acheter, hostie, des... » Non, non, t'as peu. C'est notre argent, c'est notre investissement sur toi. On va faire les choses brillamment, puis on va checker ça, tu sais. Mais si on, nous autres, on peut en prendre, puis qu'il n'y en a pas de besoin, au final, ben, Chris, m'a peut-être clairé une dette, t'sais. Ouais, c'est ça, puis des dettes que j'ai, c'est pas des dettes que, genre, j'ai acheté du luxe, là. C'est genre parce qu'on a fait les rénaux de l'appartement, qui est un investissement à long terme sur, tu sais, mes affaires. T'sais, fait que la seule folie, moi, que je trouve qu'on peut se permettre ou qu'on devrait peut-être comme emprunter ou comme en prendre sa marge hypothécaire, c'est les voyages. Parce qu'on a juste une vie. Puis moi, je regrette ça de ne pas voyager beaucoup. Puis bon, je suis jeune, j'ai le temps encore, mais c'est pas mon réflexe numéro un de voyager. Mais voyager, je pense que c'est important. Puis je pense que c'est la chose qu'on devrait faire, même si on n'a pas le cash. Parce que tu peux crever n'importe quand. Ouais, effectivement. Il faut que tu vois des choses. Mais tu sais, le McDo, pas si important. Je mange ça pour souper dans mon char comme une... Non, mais j'en mange, moi aussi. Tu sais, quand on va en Beauce, on arrête au Madrid, là, puis on mange du McDo tout le monde, whatever. Ça coûte 50-60$. Ouais, c'est vraiment de placer votre cash. C'est de prendre une partie de votre salaire et de le mettre de côté. Ça, je touche pas, puis c'est pour plus tard. Puis après ça, garde-toi un petit budget divertissement, là, puis tu sais... Fais pas le fou, là. Ouais, c'est ça. Fais pas le fou. C'est pas mal ça. Tu sais, puis mettons, tu payes pour Crave. Mettons, tu payes pour Netflix. Comme, y a-tu au moins 2 affaires sur 5 que t'écoutes pratiquement jamais? Ben, déplogue ça. C'est pas 10$. C'est de l'argent, 10$. Tu t'en rends pas compte, cet argent-là qui sort de tes poches tout le temps. C'est important, ça. Je n'ai aucun de ces services-là. Ouais. Là, j'arrive à l'épicerie, puis je suis comme, ah, telle affaire, 3,49, ça, 3,99. Ah, 50 cents de moins. On va prendre le moins 50 cents de moins. Flobe 100$ au casino après ça. Non, mais tu vois, c'est si tu faisais juste flober tout partout, ça marcherait ouais, pas. C'est ça. Fait que, tu sais, certainement qu'on va aller au maxi, là, pour avoir le même panier qui va nous coûter 50$ de moins sur 1000$ d'épicerie qu'il faut qu'on fasse par mois pour nourrir tout le monde. Certainement qu'on va faire ça, là, puis je suis pas gêné. Puis moi, je roule là, avec un esti. Je roule en vélo, premièrement, avec un vélo de fille, tu sais, avec la barre de même. Là. C'est des vélos de filles, ça, apparemment, avec un panier en avant. J'ai de l'air. Mon vélo est une merde. C'est un éco-vélo qu'on a depuis genre 8 ans, tu sais. Parfait. Puis Chris, il est lourd, il tient rough, mais il fonctionne. Puis mon vieux linge. Puis, tu sais. Ah, j'ai même changé depuis 10 ans. Là, moi, c'est... Puis je peux avoir de l'air d'un épais, mon vieux, Chris de vélo, mais je devrais avoir de l'air intelligent, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai une grosse crise de vélo à 2000$ à côté de moi, man. Puis les gros chars, puis les grosses affaires. Quand c'est pour la parure, je trouve ça tellement niaiseux. Si t'as pas les moyens, ou si t'as rien qu'un peu les moyens, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Ça n'a pas rapport. Moi, j'ai jamais été là-dedans, là, la grosse parure de genre. Non, non, gros char, là. Oui, moi non plus, man. C'est, ça monte à part, un à part quand j'ai eu la Sion, ça, c'était pour flasher un peu. C'était le fun. Là. Ben, tu sais. Mais j'ai eu un deal de... Tu t'as acheté une Sion ou t'as acheté, genre, la plus petite des BM qui t'aurait comme ruiné, tu sais. Je me suis rentré dedans, puis les assurances m'avaient donné 20 000 que j'ai mis sur la Sion, là. J'avais eu le char du boss, là, du propriétaire. Fait que c'était un alignement de planète. J'aurais pas fait ça autrement que ça, là, mais... C'était un beau 3-4 ans à rouler très vite avec une scission manuelle. C'est cool. Mais oui, tu sais, comme il y a des luxes, bien sûr, qu'on peut se permettre. On va pas vivre tout le temps comme Séraphin. Là. Non, c'est sûr. Mais attention. Je suis d'accord pour les voyages, pour vrai. Voyager tout le monde, c'est important. Oui, c'est important. Yannick Martin, quelle est la pochette d'un jeu qui vous a le plus induit en erreur ou vous a créé le plus d'attentes par rapport à ce jeu que le jeu était en réalité? Ben, Yubili! Point Bonnie, si c'est un jeu de ma console préférée, la NES. Ben oui. Stanley Cup! Ben, Yubili m'a complètement truqué. Ouais, c'était mon premier cadeau de Noël, man. Puis, tous les jeux de cette époque-là avaient certaines pochettes badass qui n'avaient pas de rapport avec le gameplay du tout. Là. Ben, puis, man, c'est encore pire quand tu recules à la télé et à la télévision. Tu sais, les pochettes, fallait que ça aille. C'est deux carrés, là, le jeu là, qui se promène. Fait qu'il faut que tu sais même pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. La pochette, non, tu comprends rien. Puis, il y a un gros livret d'instructions. Tu sais, ben, les pochettes étaient malades, là, tu sais. Fait que oui, ça, c'est un gros fail. Des pochettes badass, puis des jeux de merde. Bayou Billy. Ça va être Bayou Billy. Ça va être notre On manque d'inspiration. Ouais, c'est dur. Désolé, Yannick. Benoît Landry, demain matin, tu as argent et énergie illimitée. Ce serait quoi ton grand rêve à accomplir? Je crois que... avait déjà parlé de la création d'un musée de jeux vidéo. Est-ce que ce serait ça ou autre chose? Mon grand rêve. Ben, si on parle pas de voyage, parce que moi, j'irais voyager à des places que j'aime, là. J'ai un rêve à accomplir. Moi, personnellement, ça serait de rassembler tous mes business sur le même toit. Avoir une grosse bâtisse avec des arcades, des jeux, de la bière, de la bière, de micro. Toutes mes passions regroupées de bière et de jeux vidéo que j'aime. Il y aurait des Nintendo Power partout, tu sais, comme ça sentirait le ballonné. Chez Papa Cassette, en gros. Là. Exact. Ah, c'est ça, tirer le ballonné. C'est ça, je disais, ouais. Chez Papa Cassette, l'immeuble, tu sais, avec tout dedans. Ça, c'est mon rêve, ça. Moi, je ferais ça, là. Je rêve 100% de ça. Toi, JF? À côté de ton rêve, il y aurait probablement les studios Young Media de podcasting et de web télé. Ah ouais, c'est ça, toi? C'est ça serait pas, ferais, mettons, moi, ce que j'aime faire, une c'est boucherie géante. Non, ça, c'est juste parce qu'il faut que je mange puis que ça, faut que je sois dehors des fois un peu puis j'aime ça brûler du stock. Là. Okay. Des bûches, des boîtes de couches, n'importe quoi. Là, genre, je brûle tout. Là. Mais j'aimerais ça avoir un vrai studio de podcast professionnel, du vrai équipement, de quoi de permanent. T'sais. On a de quoi de cool ici chez nous aussi, mais... Plus, là. Ouais, ouais. Des grosses caméras à 10 000, genre des affaires qui n'y a pas de bon sens, là. On produit ce qu'on voulait produire tout le temps, de façon professionnelle, tu sais. Exact. Puis on se paye tout avec cet argent-là, puis on travaille pas, on fait juste ça à longueur de journée. Un podcast par jour, on y va, let's go, là. Ah ouais, on est assis de même, on regarde les nouvelles passées, puis on les commente au fur et à mesure. C'est toi puis moi, là, on est là tout le temps, on fait juste parler, puis genre podcaster, là. Avec une petite assiette de morceaux de ballonné ici, qu'on fait juste manger ça comme des chips de main. On traverse l'autre bord, on s'en va, il y a une caméra qui nous suit, on est dans ton magasin, on prend des jeux, on s'en vient jouer live après ça, tu sais. Ah, ça serait malade. Le bonheur. Deux dernières questions. Oui. Simon Perrault, encore une fois, parce qu'on a lu sa question du dernier show. Double dip. Question toujours agréable d'entendre de quelqu'un comme toi qui connaît la business. Qu'est-ce que tu souhaites pour la nouvelle Switch? Qu'est-ce que la Switch ne doit pas devenir? Et quelle espèce de gimmick faut-il s'attendre de la nouvelle Switch? Bon show, les gars. Pour un cadran. Ben, si elle donne l'heure. Ah oh ouais. Mais ben moi, je dis, c'est pratiquement impossible que ça ne joue pas les jeux de la première Switch. Ah, oh, ça, ce serait la pire gaffe qu'il ferait. Là. Exact. Puis moi, je pense que ça va être portable encore. Ils ne vont pas abandonner cette merveilleuse idée qu'ils ont eue et qu'ils sont les seuls à maîtriser. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que ça peut être de plus? C'est ça, la grosse affaire là-dedans. Est-ce que tu penses qu'ils vont rajouter une bébelle de plus ou que ça va juste être la même version un peu plus forte et meilleure, tu sais? À une bébelle de plus. On se rajoute ça serait quoi? Une crainte dessus, genre, je sais pas. Là. Une petite manivelle comme la Playdate. La Playdate. Je sais pas. Ça va-tu être une plus grosse affaire qu'on tient? Mais une chose que ça sera pas juste la Switch 2 plus forte. Ouais. Parce que Nintendo n'a jamais fait ça. Fait deux fois jamais. T'sais. Puis ils n'ont jamais appelé ça 2. Tu sais. PlayStation 1, 2, 3. On avait dit la Super Nintendo Switch qui n'arrêtait pas pire. Ouais, ouais, la Super Switch, ça serait beau. Ça, la SNS. S. Super Nintendo Switch. Ah ouais, la SNS, man, ça serait malade. Comme ça. La Super NES, mais là, t'enlèves le c'est la SNS. Ah ouais. La SNS, la SNES. Là. Ça serait bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Impossible. Je le vois tellement pas, je le sais pas. Le concept est parfait. J'espère qu'ils vont améliorer leur offre en ligne de pas ce qu'ils offrent comme jeu, mais genre de le multiplayer, les friend codes, cette merde-là, genre, oui. Simplifie-nous ça, s'il vous plaît. Là, oui, pour oui, une oui. Fois, là. Ah, ça serait mon rêve, là, sérieux, là. Puis moi, je veux, c'est ça, comme j'ai dû transférer ma. Je pense pas d'en avoir parlé ici, ma Switch était dead, là, carrément, là, plein ouais, de problèmes. Ouais, ça a changé. Ouais, il a fallu que je la change, tu sais. Puis moi, j'avais pas de compte Nintendo, fait que là, fallait je passe d'une Switch à l'autre, mais les deux, la vieille était pas reconnue, il était pas capable, la nouvelle. Ah, boy. Elle était pas capable de voir la vieille. Fait que là, il a fallu que je m'ouvre un compte Nintendo, que j'envoie tout ça en cloud, j'envoie ça dans l'autre. Puis là, il y avait plein d'autres problèmes que je savais pas parce que j'ai une Switch qui est principale, une qui est secondaire. Je savais pas ça. Puis bref, il y a eu plein d'embûches. Okay. Puis là, mon plus jeune, il pouvait. C'est comme s'il fallait qu'il achète ma Switch Mario Kart. J'ai dit, Chris, pourquoi? Je l'ai. Le logiciel est dans ma machine. Oh ouais. Pourquoi il ne peut pas jouer? T'sais, fait que bref, c'était compliqué. Puis là, mais ma 3DS là-dedans, man. Il y a encore du support là, de la 3DS. Pourquoi est-ce que quand je vais dans le menu Switch, je vois pas les affaires de 3DS? Ou pourquoi est-ce que mon Mi... Ouais, c'est vrai, ça. Est-ce que mon Mi peut suivre partout? Là, j'ai un Mi pour mon compte Nintendo, mais j'ai un Mi aussi dans ma Switch. Ouais, t'sais. Ouais. Chris, peux-tu en avoir un pour tout mon... Puis je n'ai sûrement un autre dans ma 3DS. Je peux-tu en avoir un pour tout mon univers, t'sais, dans ma Wii U? T'sais? Ouais, c'est un peu le problème qu'ils ont avec leur infrastructure. Je pense qu'ils avaient amélioré les choses, mais il reste encore des petits bouts à patcher. Ah ouais, il y a de l'ouvrage à faire, là, absolument. Mais ça serait... Peut-être qu'ils vont le faire, mais ça serait pas une nouveauté. C'est pas ça qui va faire vendre des machines, tu sais. Parce que là, il y en a pas de problème. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais? Je veux dire, la NES... Ils pourraient peut-être changer un peu comment les Joy-Con sont faits. Ça se pourrait. Ouais, qu'ils brisent pas puis qu'ils driftent pas, déjà, ouais, ça serait pas pire. Ça serait pas pire. Probablement qu'ils vont améliorer ça. Je peux pas croire qu'ils vont remettre les mêmes, là. Ça... Ah non, c'est ça. Ça pourrait être là qu'ils pourraient innover, ça serait sur les manettes, en fait, là. Ouais, de quoi d'un petit peu plus... Parce que, tu sais... C'est parce que la NES... Un D-pad, pas que des boutons, genre, un vrai D-pad, s'il vous plaît. Ouais, pour quand tu desnaps tes manettes, en même temps, c'était pratique pour... C'était non, je veux dire le D-pad. Ah oui, quand tu desnaps, je comprends. Ouais, c'était ça. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ah. Mais plus grosse... Déjà, c'est portable, mais moi, je vois jamais de monde jouer avec des Switch dans le transport c'est en commun. Je vois ça, puis moi, je ferais jamais ça. Là. Trop peur de te faire voler. Aussi. Ouais, puis c'est gros, là. Tu sors ça de ton sac, style. Je ferais pas ça. Fait que... Je sais pas. On sait pas. On va voir. Mais je serais très satisfait de juste avoir la Switch 2. Switch 2 plus même affaire, fucking plus forte. Plus fort. Et puis des components solides, là, tu sais. Qui cassent pas des mains. Qui cassent pas, là. C'est tout ce qu'on demande. Mais ça va être plus que ça. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir. J'ai tellement hâte. C'est quand? Y avait-tu une date annoncée? Je me rappelle plus. Ils ont dit au prochain. Q2, là. Q2 2025. Moi, je pense que ça va être en février 2025, genre, puis ça va sortir à Noël en 2025. C'est ma prédiction. Ça serait... Non, je pense pas. Moi, je pense que ça va sortir avant. Avant? Ah ouais. On va faire comme la Switch qui a sorti mars, avril. Tout le monde qui la veut, vont se garager, vont l'acheter. Puis après ça, les stocks vont revenir. Ils vont annoncer un gros jeu pour décembre. Puis là, ça va être en bundle cadeau de Noël. Ah. Prédiction. Mais ils vont-tu l'annoncer puis la sortir deux mois plus tard, si vite? Je sais pas. Non, je sais pas. Mais je veux dire, elle va sortir avant Noël, je pense. Il va avoir à Noël un autre genre de bundle avec un gros jeu qui va sortir. Genre ben, Metroid 4 à Noël, mettons. Mais ben c'est court une année, là. Si l'annonce en février. C'est vrai. Puis il faut qu'elle sorte là, avant l'été. Là. Ouais. Ouais, j'avoue, je sais pas combien de temps ils ont besoin pour les précommandes d'avance. Pis tout ça, à moins qu'ils l'annoncent là. Parce qu'il va y avoir un Nintendo Direct prochainement. Ça se pourrait. Mais ça, peut-être qu'ils vont l'annoncer. Peut-être qu'ils vont annoncer l'annonce de la sortie février pour mars. Je sais pas trop. Annoncer l'annonce, peut-être, en effet. Des Direct de Direct. Là. Ah, c'est excitant tout ça. What ouais. a time to be alive. On commentera ça en direct, ces Direct-là. Switch 2 va prendre les cassettes ou sera digital. Ouais, les cassettes pour que les... C'est sûr qu'elle va les prendre, si clone dans le chat. Les cassettes de Switch fonctionnent. Ben oui. Nintendo vont continuer de faire des jeux physiques. Là. S'il y a quelqu'un qui... C'est le... Nintendo seront les derniers... Le dernier bastion. À arrêter les jeux physiques. Là. Je vous le garantis. Là, on en a pour 10 ans là, avec la prochaine console de Nintendo. Puis même à ça, après, je sais pas où est-ce qu'on va en être. Je pense qu'on va être vieux, je vais avoir 54. 51. Oui, mais... On sera encore là avec les mêmes micros. Moi, puis... ouais, les Digital Only, ça va être pour Xbox en premier, PlayStation ouais, après, ouais. Nintendo, ben après. Là. David Lescaut, pour finir la soirée. Yes. Pensez-vous avoir des invités de façon régulière sur votre beau programme? J'ai adoré le Garden Party, c'était le fun de connaître les visions de plusieurs personnes. PS, Jean, non, je ne suis pas prof, et en plus, ma mère a failli m'appeler Kevin. Non, mais David Liscourt, c'est un nom, ça? Ou c'est-tu un trou? Si on le lit à l'envers, Truocourt. Non. Mais non, c'est un vrai nom, ça, un David Liscourt. On pensait pas que t'étais professeur. Il aurait fallu que t'écrives ton nom à l'envers, Divad de c'est pour Lien tous Liscourt. Le star, ça, c'était commentaire-là. Ah, tout le monde est un professeur. Mais oui, ça nous prendrait un invité. Oui. Je manque d'idées. On va regarder ça. Faudrait trouver. Ça dépend de ce qu'on veut, mais oui, on peut avoir des gens, c'est certain. Là. Ah, on peut avoir plein de gens, là, mais j'essaie d'avoir... J'aime avoir des gens... On manque de temps, on n'a même pas fait de décor encore. Là. Je sais. On a des idées, mais on n'a rien encore statué. Là, c'est... On a peur de dépenser le budget. Pour vrai, je suis un petit peu fatigué. Ouais, moi aussi, je suis très brûlé de ma job et de ma vie en général. Là, exact. Que je vis pas, je vais juste travailler et m'occuper d'un affaire. Là, c'est... Oui. C'est pour ça que je suis content de venir ici le mercredi 1 sur 2 et d'avoir mes boys pour le podcast de hockey. Au moins, je vois du monde en faisant d'autres travails, d'autres projets. Là. J'avoue. Hein. Ah. Ben ouais, moi, avec, pour vrai, puis c'est pas que je suis occupé en fucking malade. Je suis juste chez nous le soir puis je suis épuisé. Puis là, moi, ma réalité maintenant, qui est mon plus jeune, comment doit partir de chez nous à 7h moins quart. Fait qu'il faut qu'on se lève à 6 quart à peu près pour starter les lunchs. Fait que c'est très. M'attendais pas, je savais pas ça, là. I didn't sign up for this. Ouais. Là, c'est 5 ans. Là. Mais en même temps, il va grandir. À un moment donné, t'es comme, hey, on te le prépare la veille, tu le chaufferas toi-même dans le micro-ondes, puis tu mettras les biscuits que tu veux, je m'en calisse. Mais là, bon, il est en secondaire 1, on l'aide, là, mais là, cette année, man, on mange la claque là-dessus. C'est là. Fait que je vis ça. J'arrive au bureau, man, à 8h moins quart, tu sais. C'est tôt, là, tu sais, comme on commence à 9 ici au bureau normalement, puis tu sais, je bosse ici, je peux pas arriver à 10, ça me tente, quoique ça serait mal vu. Mais bref, on est tenu d'arriver à 9, mais je suis site, man, 1h30 d'avance. Fait coudonc, je travaille ces projets de l'arcade, parce que Zosie, ça me demande, puis j'ai plus la force de le faire le soir. Fait que voilà, fatigué, bref, tout ça pour dire fatigué. Ouais, puis, on est tous. Mais oui, le décor, c'est peut-être quelque chose que je pourrais essayer de travailler le matin ici, mais... Mais c'est parce qu'on sait pas par où commencer. Là. Ben, c'est parce qu'il faudrait avoir. On se pointe sur AutoCAD, là, puis on commence à se faire des designs 3D ou on. Ben, des designs de quoi Je sais pas, là. Mettre de la couleur sur les murs, on a plus besoin de Photoshop. On a fait un peu, Photoshop, rapidement, voir que ça pourrait looker, là, mais. Mais qu'est-ce qu'on met ici? Qu'est-ce qu'on. Faudrait on fait ça un comptoir mur à mur ici? Puis on met toutes les shit dessus, des consoles, la télé, on bouche la fenêtre. C'est le fun d'avoir du stock de gaming dans le décor parce qu'on est dans un magasin de jeux. Fait que si on peut aller pogner des items avant de commencer, puis genre swapper des trucs, ce serait nice, là, pour vrai. Là. Ah, ben ça, on en a plein ici. Ouais, mais faut juste savoir comment on les dispose, puis comment on aligne ça. Là, c'est... Mm-hmm. Mais oui, c'est un travail perpétuel. Manque de temps, manque d'énergie. Ça prend un plan, puis il faut le faire, tu sais. Fait que pas évident. Mettez un faux mur de briques, un néon chez Papa Cassette. C'est dans les affaires qui avaient été pensées. Pas mal la base, ça, en effet. Les néons, ça coûte cher en passant. Ouais, un néon custom, budget, là, ça va tout pogner. Puis je sais pas, les gars, ça va bien sortir. Là. C'est un mur de Funko Pop. Un mur de Funko Pop. C'est-tu que c'est drôle? Juste des Funko Pop. Hey, même ça, une image de mur de Funko Pop. Oh, wow. Hey, ça serait tordant, ça. Ben écoute, on est rendu à la conclusion. Ben oui. très fatigué. Moi aussi. J'ai faim aussi. J'ai slacké le café le matin, moi. OK. Fait que tu bois quand l'après-midi? Non, mais genre avant, j'en buvais deux, j'en bois un, puis à cette heure, je bois une bouteille d'eau quand je me réveille avec un petit peu d'électrolyte dedans. OK. Puis ça me donne un kick d'énergie. Fait que je pense que c'est important d'être hydraté dans la vie. Oui, ce que je fais pas assez souvent, en fait. Là. Ouais, moi, j'essaye ça. Là. L'après-midi, je me remplis ma tasse de café, mais d'eau, c'est comme à répétition. Puis là, tu vois, j'ai un verre d'eau ici, je l'ai tout bu. Là. C'est une bonne quantité d'eau. Là. Mon corps, il y a ça dans mon corps présentement, donc il me remercie. Ça, dans mon corps. Fait que oui, t'as raison, s'hydrater, boire beaucoup, je pense que c'est important. Pourquoi on disait ça? Fatigué, puis que je buvais de l'eau le matin, le prendre du café en me levant. Ah oui, c'est ça. Parce que le café, oui, je pense que ça te kick trop vite. Là. J'ai trouvé, je trouve que c'est un peu trop raide, finalement. Ah, finalement, quoi, tu viens de commencer le café? Non, il fait longtemps que je vis sur mes batteries réserves. Je suis comme, ouais, il faudrait que je m'hydrate avant, puis que je me parte avant de me kicker avec de la drogue de café direct. Là, genre. Ouais. Mais, ben, ouais. Ben, moi, ça dépend. Je prends pas mon café immédiatement en me levant. Moi, c'était ça que je faisais. Là. Je me levais, j'étais comme, je coulais le café, puis je le buvais. Là. Ouais, non, c'est ça. Moi, il y a que de l'eau pour commencer, puis après ça, le café. Là. Je pense que c'est une bonne idée, parce que je pense que j'en ai déjà parlé sur le show aussi, mais on m'a déjà dit qu'en soi, on a des capteurs de fatigue. Okay. Puis le café, les fatigues. Ils fatiguent les capteurs de fatigue. Bref, ça les stun. Ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que ça t'enlève de la fatigue. Mais tu restes fatigué pareil. T'es fatigué, là. T'es juste buzzé. En fait, ces capteurs-là sont mélangés. Là. C'est comme, OK, non, je pense que ça va. Mais ça va pas. Ouais. Fait que là, c'est pour. Puis là, quand ton café est fini de gérer, ben là, tu retombes fatigué. T'as des spikes, là, ouais. Mais bref, quand tu te lèves, ces capteurs-là, ils ont pas encore pris le temps de se réveiller. Puis là, tout de suite, t'es buzz, tu sais. Fait que c'est comme pas bon. Là. Faut que tu laisses le temps. Fait que bouteille d'eau. Oui. Ouais, moi, c'est mon déjeuner. Puis j'ai ma ride de vélo pour venir ici. Fait qu'il y a du temps qui passe. Puis là, ici, ben, je pars mon café. Hein. Tantôt, il était 11h30. Je suis comme, hey, j'ai pas déjeuné le matin. Je me calais ce que je t'ai perdu. Ah, moi, c'est la première affaire que je fais. Quand j'ai mon gars, j'ai pas le temps. Je me lève. Puis là, genre dépêche là, on s'en va à la garderie. Puis j'arrive chez nous. Il est 8h28. 8h30, j'ai un meeting jusqu'à 10h30. Je suis comme, là, vie de marde. Ah non, moi, je. Même okay, si. Okay. S'il faut que je me lève à 5h30 pour une affaire X, je vais déjeuner à 5h30. Ben, en général, je suis dans un meeting, je ferme ma caméra, je vais me faire des toasts, là, si j'ai besoin. Là. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est ça. Ah ouais, puis un café, c'est bon pour le numéro 2, comme on dit dans le chat. En effet. Sauf pour toi, on sait tous que tu chies juste avant de prendre ta douche, là. Fait que c'est. Oui, c'est important. Une fois le matin, puis c'est fini. Mais ouais, tu vois, je chie sans café le matin. Comment je fais, mon corps est parfaitement synchronisé. Pour avoir une crotte par jour, ça, c'est pas beaucoup. Hein? Je pense que ça devrait être 2 à 3 par jour. Hey, on chie 3 fois par jour. On remet-tu l'échelle Bristol? C'est comme, tu dois de l'anus crap, là. OK. Ben là, si t'as le type, on a mis l'échelle de Bristol, la charte Bristol. C'est toujours bon de la remettre à l'écran. Oui, pour les sortes de caca, bien sûr. On se tient le 3 et le 4, tout le monde, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est l'objectif. J'ai fait beaucoup de 4 dernièrement, des longues. Des longues. Des très longues. Une fois, j'ai fait très longues. J'en revenais pas que ça m'était sorti du corps, cette affaire-là. Wow! C'était ma deuxième de la journée, en plus. Une fois de temps en temps, 2. C'était tout ce qui était accumulé de ton caca que tu faisais pas, ton deuxième caca. Quelle belle machine, le corps. Une vidange, un nettoyage. Ouais, une belle vidange. Oh boy. Ah, on va l'enlever. Fait qu'on va enlever à marde. Bon, hey, on va arrêter ça. On va aller se coucher. Fait que merci tout le monde d'avoir été présent. Merci tout le monde dans le chat. Belle participation ce soir. Toujours un plaisir. Ben merci oui. À ceux qui se présentent qui ne parlent pas. On a quelqu'un qui est venu de Gatineau nous vendre sa collection ici la semaine passée. Et puis, j'écoute le show. Cool. Je dis jamais rien, mais je suis là. Puis c'est bien cool. Puis il était super sweet. Serre la main. Belle collection. C'est nice. Ça. Transaction facile. Aller-retour. Il a eu son argent. On a eu sa belle collection. Puis on a jasé un petit peu. Fait que c'était un beau moment. Ah. J'apprécie toujours ça. Puis n'ayez pas peur de. Si vous voulez parler, prenez la parole. Ça nous fait toujours plaisir. Ben oui. Mais même si vous parlez pas, on vous apprécie. On vous aime. Exact. Fait que. C'est tout. C'est prochain tout. Enregistrement de la soirée du podcast, pas cette semaine. Vendredi la semaine prochaine. C'est le fun, ça alterne avec Papa Cassin. C'est fait par exprès. Oui, c'était ça pour être nouveau aussi. Fait que ça fait que je me sens compte que depuis des années, je fais un podcast par semaine. Moi, là, genre, si vous voulez m'entendre, vous pouvez m'entendre à chaque semaine quelque part. Là. Exact. Bon, Corbin Dallas qui arrive en retard, esti, mais au moins, il vient nous rattrapera on demand. Exact. Bon, on va aller se coucher. Ouais. Merci à tous. Bonne soirée. Bye.